C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Exactement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, en pleine forme. En pleine forme ? Mais oui ! Ah, mais quand même, attends, il y a un moment, je me suis demandé là, un petit peu quand même. Comment va Julie ? Mais je vais méga bien, je suis en pleine forme, comme tous les matins. Mais oui, comme tous les matins, en plus demain, jour férié, donc au taquet quoi. Et pour une fois, jour férié pour moi aussi. Et oui, demain, grâce mat de Julie, réveil à... Enfin, même pas réveil, mais elle se réveillera automatiquement vers 8h. Je travaille après, donc. Ouais, mais bon, voilà, c'est ça qui est bien avec Julie, c'est qu'elle m'a demandé un jour de congé pour travailler après. Débile. C'est non, ça qui est très intéressant quand même. Vous avez pas compris, elle va se réveiller à la même heure, mais elle va s'occuper de Chouchou. C'est ça, c'est ça. Bon, Sébastien Lop qui est là également en pleine forme. En pleine forme, la dernière de la semaine donc. Eh bah, c'est ça, ça hein, tant mieux. Ah, on t'a pas dit demain tu travaillais pour. Non, parce qu'il faut pousser le best-of. Hein. Ah bah oui. Non, j'ai prévu quelqu'un pour ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Voilà, bon, donc 6h25 ce matin sur Fun Radio, Toff aussi est en pleine forme. Hein. Il a prévu d'aller quelque part après, vu j'ai un petit rendez-vous. J'ai un rendez-vous galant. Après. Ah, d'accord, ok. Eh bah, dis donc. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, en tout cas, vous qui êtes derrière votre radio, peut-être encore dans votre lit avec le radio réveil qui vient peut-être de s'allumer, on ne sait jamais. Et puis ce matin, on aura pas mal de choses, évidemment. On aura la ligne anti-relou, on aura Toff qui va faire chier le monde, un petit peu comme d'habitude. En deux mots, Julie, tu as déjà eu des rapports sexuels à trois? Non, jamais. Et pourquoi? Parce que peut-être que si elle en avait, Chouchou aurait la même réaction qu'un mec aux États-Unis. Je vous explique ça tout à l'heure. D'accord, ok, très bien. Bah, alors on expliquera ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Nous aurons également ce matin, en exclusivité mondiale, car tout le monde voulait se l'arracher, et nous l'aurons. Silvio Berlusconi qui sera direct avec nous ce matin, en direct, hein, c'est pas un montage, hein. En direct ce matin pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, sa démission, etc. etc. Donc voilà. Alors on n'est peut-être pas à la radio de l'info, mais on a l'info nous. Il vient pas avec Ruby par hasard? Non, malheureusement non. Non, il vient, on l'aura par téléphone, il pourra pas se déplacer malheureusement, mais on l'aura par téléphone, c'est déjà ça. Il était retenu dans sa villa. Ben oui, voilà, c'est ça, il y avait une petite soirée hier soir, enfin bref. Bon voilà, donc ce matin on aura Silvio Berlusconi, ce sera tout à l'heure, on aura la déclaration express évidemment. On vous remboursera vos factures comme chaque matin sur Fun Radio. Vous connaissez le principe maintenant, hein, 6322. Il suffit simplement de nous envoyer le code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis nous, on vous rappelle avec plaisir donc pour vous rembourser cash votre facture. Comme là, celle qui vient d'arriver, là, 75€ là, pour les taxes d'immondices. 154€ pour sponsoriser une équipe d'Inter, je ne sais pas quoi. 60€ pour une amende, 54,95€ pour Beliacom, etc., etc. Donc on l'appellera vers 7h10 pour la première fois tout à l'heure. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Nous aurons des places à vous filer aussi pour l'événement Dance Floor de la fin de l'année. Ce sera le Star Floor. Et puis la petite devinette qui colle, bien sûr, c'est pour repartir ce matin avec un écran plat, un pack Nintendo Wii. Ou alors je vais peut-être mettre des tours iPod ce matin aussi, ou des cadres photo numériques. Voilà, vous choisirez tout ça, il y a de quoi faire, il y a du stock. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle, on a déjà donné cette réponse là dans une autre devinette, mais là c'est une nouvelle devinette mais avec la même réponse. Écoutez bien. On la casse pour apaiser la faim. Sur la peau, suite à une blessure, elle tombera. On essaye de bien la gagner. Qui est-elle? Facile. C'est donné ce matin, n'est-ce pas Julie? Ah oui, complètement. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Ah, il me semble bien. Voilà, donc attention, je la répète. On la casse pour apaiser la faim. Sur la peau, suite à une blessure, elle tombera. On essaye de bien la gagner. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, vous le savez, vous connaissez le principe, je vous l'ai déjà dit. 6322, vous envoyez votre réponse par SMS, c'est 1€ le message. Et on vous rappelle tout à l'heure pour vous offrir, eh bien, soit votre écran plat, soit votre pack Nintendo Wii, soit encore, il y a aussi des tours iPod ou encore des cadres photo numériques XL. Donc c'est les tout grands en fait, hein, qui valent quand même bien cher. Hein, c'est les tout grands avec un grand format, donc pas les tout petits, comme ça vous savez. 6h28 sur Fun Radio, dans un instant, c'est Neyer qui arrive. D'ailleurs avec Mombi, ce sera Suave. Mais avant ça, à 6h28, c'est l'info maintenant qui arrive avec Julie. Bonjour à tous. Tout d'abord, les ateliers de la SNCB sont en grève pendant 24 heures. Donc jusque ce soir, 22 heures, le trafic des trains pourrait être légèrement perturbé ce matin. Et pour cause de problèmes techniques, la ligne Namur-Bruxelles accuse déjà un retard de 15 minutes. 15 kilos d'ecstasy ont été interceptés à Zaventem. L'individu, un Turc de 46 ans, résidant aux Pays-Bas, a été interpellé par la police lors de son départ vers Istanbul. Lors d'un contrôle de sécurité, 10 sachets contenant un total de 15 kilos de pilules d'ecstasy ont été découverts dans un double fond de son bagage. Sa deuxième valise, qui a été interceptée à son arrivée à Istanbul, contenait encore 18 kilos de drogue. Un septuagénaire a été tué par balle chez lui à Migno, une entité de la commune Énuère de heureux. L'homme de 72 ans a été tué à bout portant lorsqu'il a ouvert la porte mardi soir. Aucune trace de vol n'a été détectée. Il s'agit probablement d'un règlement de compte. La fraude dans l'Union européenne représenterait de 200 à 250 milliards d'euros, soit 2% environ de la richesse du vieux continent. La Commission européenne a proposé de lancer dès 2014 un vaste programme baptisé Fiscus. S'il est approuvé, ce programme sera doté d'un budget total de 777 millions d'euros pour une période de 7 ans. Son ambition sera d'améliorer la coopération entre les différentes autorités douanières et fiscales des 27. Fiscus visera aussi à mettre en réseau les douaniers et contrôleurs du fisc des différents États membres, organiser des formations et financer des systèmes informatiques de pointe. En France, un homme de 25 ans en garde à vue depuis mardi dans le cadre de l'enquête sur la mort de la petite Océane a avoué être l'auteur du meurtre de la fillette de 8 ans. Il s'est présenté lui-même à la police demandant qu'on lui fasse des prélèvements ADN et puis il est passé aux aveux. Père d'un enfant sans activité professionnelle et sans antécédent judiciaire, il a d'abord expliqué qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait samedi soir car il était sous l'emprise d'alcool et peut-être de drogue. Dans l'est de la Turquie, un séisme de magnitude de 5,6 s'est produit hier soir, provoquant l'effondrement d'un hôtel de 6 étages. Le bilan est d'au moins 5 morts. Et on va passer la météo dans quelques instants à 6h30. Pourquoi je lui fais atterrir un avion? Je comprends pas. Mais je te fais des grands signes, tu ne me regardais pas. Donc, j'ai l'impression qu'elle va faire atterrir un Boeing là. Viens ici, mon grand, là, attention. Je te voyais ailleurs. Et non, comme pas du tout, mon, je suis flash, un grand professionnel. C'est déjà arrivé hein, que je reste c'est avec faux. Un petit blanc comme c'est ça. Faux. C'est faux, c'est absolument arrivé. Faux. Neyer, qu'on écoute dans un instant, et la météo maintenant qui sera normalement bonne. Oui, on profitera d'un temps ensoleillé et très doux pour la saison avec de maxima de 13 à 17 degrés. Demain, il va faire toujours aussi beau, seul quelques nuages. Cool. À la côte. Bon, bah, c'est la bonne nouvelle, ça, effectivement. D'ailleurs, si vous avez prévu des trucs ce week-end, puisque bah, aujourd'hui, bon, ça travaille, mais alors ce week-end, normalement, il fera beau. Si vous avez prévu des trucs, bah, venez nous le dire hein, pour le long week-end, là, 30-44 par SMS. Perso, nous, on va à Liège avec Toff au Top of the 90s. Uh-huh. Et oui, se rappeler des souvenirs avec des grands groupes comme Corona, ICMC ou encore X17. On va se marrer, je pense. Hein. Bon, 6h31, c'est parti maintenant avec l'info en plus. Alors, une marque de lingerie suédoise a formulé une demande un petit peu particulière à ses vendeuses. Est-ce que tu as une idée, Mickaël? Qu'est-ce qu'elle aura demande pu demander? Demande particulière. Donc, aux vendeuses d'une marque de lingerie. D'utiliser les lingeries comme tenue de vente. Non. Non. C'est con, ça aurait été bien. Ça aurait été pas mal. Ouais, c'est clair. La demande de la marque, c'était d'afficher leur taille de soutien-gorge sur leur badge en fait, juste en dessous de leur nom. Ah ouais, mais ça, il y a plein de mecs qui demandent en général. Alors, soit c'est la drague, soit c'est parce qu'ils sont vraiment gauche. Hein, du coup, mais attends, elle fait combien votre dame? Bah, je sais pas, vous faites combien vous? Bien, cette directive est déjà en place depuis 3 ans. Et pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est parce que maintenant, les vendeuses en ont marre. Elles ont porté plainte contre leur employeur. Alors, l'employeur se défend en disant tout simplement que c'est pas obligatoire, que c'est juste optionnel. Les vendeuses disent le contraire. Et l'employeur explique que c'est plus facile pour les clients, effectivement, les clients et clientes, de se rendre compte quand ils voient la taille de soutien-gorge d'une vendeuse. Mais et pour le coup, c'est vrai. Pour savoir eux-mêmes ce qu'ils devraient plus ou moins acheter. Quand t'es un peu gauche, tu connais pas forcément tout. Tu viens à peine de te mettre avec une fille, tu connais pas encore et vraiment tout. Tu vois avec la vendeuse, tu dis, bah tiens, c'est à peu près comme vous. Mm-hmm. Bah pourquoi pas, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, ça me choque pas après. Moi, pas plus que ça non plus. Bah voilà, c'est du cinéma, encore une fois, hein, comme d'habitude. De toute façon, que tu affiches ou pas ta taille de soutien-gorge, on remarque directement. Disons que on voit si tu as un A ou un D. Oui, oui, en général, c'est ça. Par contre, le C ou le 2, on le voit pas forcément. Mais donc après, l'afficher ou pas, ça ne me poserait personnellement pas de problème. C'est pas faux. 6h33 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Neyer avec Mombi et Pitbull qui sera d'ailleurs au Starfloor. Je vous en reparlerai tout à l'heure avec Swav et on écoute ça tout de suite sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. D'ailleurs, sur Fun Radio avec Mombi, dans un instant, c'est Licky Lee qui arrive avec I Follow Rivers. Bonne matinée sur Fun Radio, il est 6h37 ce matin. Je vous rappelle la devinette qui colle pour repartir avec des écrans plats, des packs Nintendo Wii ou encore des cadres photo numériques géants. Enfin, quand je dis géant, c'est XL. Vous savez, d'habitude, les cadres photo numériques, ça a la taille d'une petite photo. Bah là, ça a plutôt la taille d'une feuille A4, vous voyez. Donc, c'est quand même relativement grand. Et des tours iPod également à vous filer. Donc, pour ça, il faut répondre à la petite devinette qui colle. On la casse pour apaiser la faim sur la peau. Suite à une blessure, elle tombera. On essaye de bien la gagner. Qui est-elle? La bonne réponse au 63-22. En général, quand on se blesse, on a toujours tendance à l'arracher. Bah oui, en général, t'as toujours envie de l'enlever, tu sais, parce que du coup, la peau, elle est pas lisse, ça. Ouais, ça. En tout cas, personnellement, moi, ça m'emmerde. Donc, du coup, je suis toujours au sein d'essayer de gratter. Et puis, forcément, c'est pire que mieux. Ça gratte, en fait. Bah ouais, du coup, c'est pire que mieux. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un euro le message. Vous envoyez la réponse et on vous rappelle peut-être d'ici quelques minutes. Ce mot est très laid. Et dégueulasse, ouais. On vous rappelle peut-être d'ici quelques minutes pour vous offrir votre écran plat, votre pack Nintendo Wii, votre tour iPod ou encore votre cadre photo numérique XL. On la casse pour apaiser la faim sur la peau suite à une blessure. Elle tombera. On essaye de bien la gagner. Qui est-elle ? Bonne chance. On va parler de George Clooney également. Oui, George Clooney. Qui est un petit peu... un peu de ressemblance avec moi, hein, d'ailleurs. Alors là, pas du tout. Il y en a plein qui m'ont dit, tu ressembles à George, George Clooney. Ah, vraiment pas, non. Au niveau des cheveux. Ah, non, au niveau de rien du tout. Au niveau des cheveux, arrête un peu. Ah non, je vois pas très bien de quoi te faire. Bon, bref, ça c'est ton problème. Mais il y a pas de mal, hein, moi, j'ai pas de souci, hein, si tu ne vois rien, je ne vois rien. D'ailleurs, on salue à Ligue Braille. George Clooney a parlé de sa première fois. Il a accordé une interview exclusive au magazine Rolling Stones. Et donc, il a raconté un peu son histoire de sa première fois et qui remonte à l'âge de 16 ans. Ah ouais. Et pour lui, il explique que c'était trop prématuré, il était jeune, trop jeune. Et alors, il explique que, par contre, son premier orgasme solitaire, il devait avoir 6 ou 7 ans. Et qu'il était comment en train de grimper ça, sur une corde lorsqu'il a ressenti quelque chose. Sur une corde. Ah ben, écoute, je ne sais pas. Il est probablement en train de grimper sur une corde. Tu la prends entre tes jambes quand tu grimpes sur une corde. Donc voilà. Alors, il explique, je me suis arrêtée et je suis restée suspendue tout en me disant, mon Dieu, quelle impression agréable. Mais t'as raison, on se ressemble pas finalement, pas tant que ça. Ah bah tu vois, comme quoi. Et alors pour lui, tu penses que c'est quoi la chose la plus drôle ? Comment pour ça ? Expliquer comme quoi, bah, pour lui, la chose la plus drôle au monde à faire, c'est... Je sais pas, taper la tête de Toff, non ? Non, pas du tout. C'est d'écouter mes canulars le matin. Ah, peut-être. Non plus, et bah pour lui, c'est... péter. Ah oui, bah c'est drôle, effectivement. Pour lui, les blagues de paix, c'est hilarant. Toutes les filles là, qui sont en train de regarder dans sa pub pour la machine à café, avec là, what else? Le mec, il pète, en fait. Hein. Je me suis dit qu'il était temps quand même que je prévienne les filles. Oui, voilà, George Clooney apparemment a l'air de péter assez souvent. Il explique même que pour lui, le mot en lui seul est super drôle. Donc il explique, péter, il n'y a rien de plus hilarant. Mmh. Ah ouais, bah écoute, il est bizarre, ce garçon. Comme quoi, il a même un coussin péteur qu'il peut contrôler à distance. Ah, dis donc, on s'amuse avec George Clooney. Hein. Très effectivement, rigolo. T'as raison, ça ressemble what else pas. Ouais, what else, exactement. 6h40 sur Fun Radio, restez bien avec nous. Dans un instant, il y aura la ligne anti-relou, les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0473 86 0013. Et côté musique, évidemment, on vous servira Licky Lee dans un instant avec I Follow River sur Fun Radio. Bonne matinée. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h moins quart. Bon réveil tout le monde. Que se passe-t-il au niveau de la route, Julie ? Accident sur la 12, Bruxelles, La 12 en fait. Je pensais que ça allait passer comme ça, mais non, pas du tout. Tu nous connais, hein. Donc accident sur la 12, Bruxelles, en direction de Anvers, à hauteur du tunnel Bevrijding. C'est donc en direction des Pays-Bas. Le tunnel est fermé. Bon, et puis concernant l'accident sur le 17 Gand, en direction de Anvers, la chaussée est à présent libérée. Très bien. Bon, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, si vous êtes témoin d'un radar éventuellement en train de se faire installer, n'hésitez pas d'ailleurs. Hein. En train de se faire installer. Bah oui, en train de se mettre sur le bord de la route. Faites gaffe parce que j'ai vu un panneau, là, c'était quoi, il y a deux jours ? C'était des flics qui avaient mis une espèce de petite remorque avec un grand panneau illuminé en disant attention, contrôle fréquence ce week-end. Ouais. Tu dis tiens, c'est un panneau, tu vois, c'est pour prévenir. Et ces enfoirés, ils avaient mis un radar derrière, tu vois. Ah, et donc du coup, tu te dis oh, bah, c'est ce week-end, je m'en fous, hein, j'accélère. Ouais. En fait, pas du tout. Heureusement, ça ne m'était pas arrivé car je suis un conducteur modèle. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et nous allons maintenant faire péter les meilleurs messages de la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio. Et la ligne anti-relou vit grâce à vous, grâce aux relous qui viennent vous prendre la tête en règle générale. Et pour ça, il faut retenir un numéro de téléphone, le 0-473-86-00-13. Le retenir par cœur et le donner aux relous comme si c'était le vôtre, de manière la plus naturelle possible, pour qu'ils ne puissent évidemment se douter de rien. Et oui, c'est ça un petit peu le concept. Le concept donc, dès que vous êtes, je sais pas, en extérieur, il y a un relou qui vient vous prendre la tête, pour vous en débarrasser, dites-lui, ouais, écoute, je te donne mon numéro de téléphone, parle, j'ai pas le temps, mais on se rappelle, hein, vraiment, appelle-moi, je compte sur toi. Et lui, il va directement vous lâcher, puisqu'il a votre numéro de téléphone, il va croire qu'il a fait l'affaire du siècle, sauf qu'en fait, il va tomber chez nous. Et donc, on écoute tous les matins les meilleurs messages laissés par ces relous sur le répondeur, sur la ligne anti-relou. Oui, c'est vrai, c'est un coup de frein, pareil. Dis, on s'est donné rendez-vous, j'ai attendu... une bonne heure et demie. C'est pour savoir quoi, parce que moi j'ai apprécié ce qu'on a passé hier ensemble. Tu pouvais me rappeler, ce serait vraiment sympa. Et je rêve de toi depuis tellement longtemps. J'ai adoré quand tu faisais des gros câlins. Mon amour. Ah oui, bah visiblement, lui n'a pas forcément adoré et apprécié le moment qu'il a passé avec toi, puisque tu termines sur la ligne anti-relou. Mais bon. Ou alors c'est pire, peut-être que le gars il a super apprécié. Au début, c'était un relou, il a donné le numéro de la ligne anti-relou. Après, ça s'est bien passé, mais il a oublié de donner l'autre numéro. Ah oui, ça pourrait être énorme. Tu vois, ça. Et du coup, bah, le mec il passe peut-être à côté de l'amour de sa vie, qui sait. Deuxième message. Allô, ma chérie, où tu es? Je t'attends devant le cinéma. On s'est rencontrés hier soir et voilà, si douce, adorable et. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien te sentir. Allez, s'il te plaît. Viens. Téléphone-moi. Ah oui, ça donne envie en plus avec une voix comme ça. Hein. Oh là là, t'as c'est envie. Très sexe, ça. Mais oui, tu as qu'une seule envie, c'est de effectivement rappeler cette personne. Bon, et enfin, troisième message pour ce matin. Oui, Julie, tu m'as donné ton numéro des clics samedi. Je sais pas, j'essaye à chaque fois de te joindre et j'arrive pas à t'avoir. C'est Vanessa. Je sais pas pourquoi tu m'as donné ce numéro puisque tu ne réponds pas. Appelle-moi s'il te plaît, merci. Ah bah oui, on va. Bah Julie, tu vois, tu dois rappeler. Hein. Ah, bah, c'est pas moi, je n'étais pas au déclic. Oh, Julie, tu peux nous dire, on sait bien que tu sors au déclic. Mais bien sûr, on le sait, t'inquiète mais pas. Pas du tout. On sait que t'es gogo danseuse là-bas. C'est ça. 6h48 sur Fun Radio, le retour de la ligne anti-relou, ce sera bien sûr tout à l'heure. Et puis, je vais vous rappeler aussi la devinette qui colle là, pour gagner les écrans plats ou les packs Nintendo Wii, entre autres. On la casse pour apaiser la faim. Sur la peau, suite à une blessure, elle tombera. On essaye de bien la gagner. Qui est-elle? La bonne réponse au 63-22. 1 euro le message, bonne chance et Liquili tout de suite. Le son de Liquili sur Fun Radio, c'était I Follow Reverse. Bienvenue tout le monde. Nous sommes en direct jusqu'à 9h30 ce matin. Comme d'habitude, il est 6h52. Julie est en train de s'étendre. Hein. Oh là là, oui, c'est dur c'est ce matin. Oh là là, j'ai fait du sport Donc je suis un tout petit peu. Oh mon Dieu, t'as fait du sport? Waouh, la classe. C'est du sport avec Chouchou, hein, vous emballez pas. Ah oui, c'est vrai, trop la classe. Avec mes copines. D'accord. Ah, t'es comme ça. Je suis comme ça, mais tu le savais depuis toujours. Bah oui, bah puisqu'on est dans le sujet là, donc on va réveiller les gens pourquoi ce matin alors? Pour savoir s'ils ont déjà fait un plan à trois. Voilà, non mais enfin cela dit, tu vas pas faire ton marché hein. Non, pas du tout en fait, c'est un truc hyper sérieux, c'est un couple aux États-Unis, ils étaient en plein acte, donc à trois, et de là le mari, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Fou de jalousie, il prend sa télé, il l'éclate sur la tête de sa femme. Ah oui. Donc là, moi, je voudrais être sûr qu'en Belgique, il se passe pas des trucs comme ça et tout, parce que voilà, c'est, ça me gênerait quoi. Bien sûr, ah oui, évidemment, rien de personnel là-dedans. Mais alors, absolument pas. Mais pas du tout, évidemment. Non, pas du tout. Je ne voudrais pas appeler, mettre ma vie personnelle là-dedans. C'est ça. On va appeler direction les Carolos. Allez, allons à Charleroi. Allez, on va voir à Charleroi si effectivement ils sont un petit peu tendus à ce niveau-là. Tiens, c'est parti. On appelle 6h53. Allô. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle pour savoir si vous aviez déjà eu des rapports sexuels à plusieurs. Pardon? Est-ce que vous avez déjà eu des rapports à trois? Non, mais monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, en fait, c'est quand en fait, vous êtes vous, votre partenaire et une troisième personne, mais vous m'avez raccroché au nez, je vous rappelle. Effectivement, oui, c'est un petit peu de raccrochage au nez. Bon, on va le rappeler. Bah, oui. En tout cas, elle avait l'air en tout cas endormie. Hein. Mais c'est ça qui est bizarre. La meuf, elle décroche quand même à la première sonnerie. Mais non, mais complètement... ça dépend. Parce que si t'as le téléphone à côté, pour le coup, tu décroches rapidement. Hein. C'est juste qu'après, t'as de temps. Mais bon, allez, on va le rappeler. Tu vois que maintenant, elle va mettre 2 heures à décrocher. Ah oui. C'est déjà la deuxième sonnerie. Oui, je m'excuse, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Regardez qu'il est enregistré votre voix et je vais aller porter plainte à la police. Vous allez voir le rapport sexuel, c'est parce que si vous voulez en avoir des rapports sexuels, vous allez l'avoir, vous savez. Un russe? Mais moi, je ne veux pas de rapport sexuel, je veux juste savoir si vous aviez déjà pratiqué à plusieurs. Dites, monsieur, vous voulez arrêter de casser les pieds des gens comme ça. Il est enregistré votre voix et votre voix va y aller autre part, vous savez. Ah, votre voix, elle va y aller autre part. Oui, eh ben, c'est ok, d'accord. C'est le rapport sexuel, tu vas voir s'il va y en avoir le rapport sexuel. Oui, ben, elle va y aller autre part, mais écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Ouais. La police était là très tôt ce matin. Oui, ce matin, ça a été rapide. 6h55 sur Fun Radio, rappel de la petite devinette qui colle, car dans un instant, nous donnerons la réponse et nous vous offrirons du coup vos écrans plats, vos packs Nintendo Wii, vos tours iPod ou encore les cadres photo numériques XL. On la casse pour apaiser la faim, sur la peau, suite à une blessure, elle tombera. On essaye de bien la gagner. Qui est-elle ? Énigme relativement simple ce matin. Un hein, mot on a pas non plus. Un mot très laid, effectivement, c'est bien moche. Hein. Ça existe également autour du pain. Et les enfants ne l'aiment pas en général. Hein. C'est vrai qu'en général, ils la laissent sur le côté, quoi. Surtout le côté brûlé du pain. Bon, allez, on va s'écouter le son. Allez, donc si vous avez la bonne réponse, 63-22. Donc bonne chance tout le monde. Et on va s'écouter un petit son Made in Belgium maintenant. Dédiqué, le nouveau. C'est une petite reprise, tiens. Écoutez ça. Dédic cool sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Remix Made in Belgium de Dédiqué à l'instant. C'était Daddy Cool, justement. 6h59. Bon réveil tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec la réponse et la devinette qui colle dans un instant aussi. Et attention, le remboursement de vos factures. C'est juste après les infos. Si vous voulez avoir une chance qu'on vous rembourse vos factures, qu'on appelle là chez vous dans 10 minutes précises pour vous demander qui paye vos factures le matin, il faudra répondre Fun Radio ou Mickaël. Et si vous répondez correctement, on vous rembourse intégralement votre facture. Comme là, 75€ pour la taxi Mondi, 94€ pour Belgacom, 103€ pour une paire de huettes Ray-Ban, 100€ pour un PV. Qu'est-ce qu'il y a également qui est arrivé là? Encore une fois, 94€, c'est encore pour Belgacom, mais ça doit être la même. Si vous avez envie qu'on vous appelle, n'hésitez pas. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Donc vous débutez le message par facture, espace le montant, espace la, l'objet de la facture. C'est aussi simple que ça. Bonne chance et peut-être à dans 10 minutes. Et dans quelques instants, c'est Britney Spears aussi qui va débarquer sur Fun Radio avec Criminal. Mais avant ça, 7h pile, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec July. Bonjour à tous. Le trafic ferroviaire pourrait être perturbé ce matin. La grève est bien suivie aux ateliers de la SNCB. Le personnel des ateliers du groupe SNCB a entamé hier soir une grève de 24 heures en réponse aux suppressions d'emplois envisagées. La SNCB a demandé aux organisations syndicales de limiter leur action à des activités qui n'auront aucun impact sur la circulation des trains. Elle a néanmoins mis en garde les voyageurs quant à des possibles répercussions sur le trafic. Le prix du diesel bat des records à la pompe. Le nouveau prix est passé à 1,511€ le litre, soit une augmentation de 1,3 centimes d'euros. Et encore, le système du cliquet inversé a été automatiquement actionné. Le prix du diesel a grimpé de 22% en un an et doublé en 10 ans. Quelques 8 milliards de litres de diesel sont vendus chaque année. Face à ces prix en constante augmentation, le Belge adapte doucement ses achats automobile. Les voitures hybrides mi-essence, mi-électrique commencent à décoller avec 5000 ventes cette année. Mais le véhicule tout électrique ne séduit pas. 156 ont été immatriculés en 2011. Et je tiens juste à souligner qu'on ne s'en rend pas compte quand on dit comme ça le prix en euros, mais pour les plus anciens, 60 francs le litre. Voilà, oui. C'est juste que ça fait plus mal comme ça, parce qu'on se souvient à l'époque quand c'était 20 ou 30. Voilà, comme ça c'est dit. Hop là, on peut passer à autre chose. Quel du haut de ses 55 ans. Oui, c'est ça, oui. 15 kilos d'ecstasy ont été interceptés à Zaventem. L'individu, un Turc de 46 ans, résident aux Pays-Bas, a été interpellé par la police lors de son départ vers Istanbul lors d'un contrôle de sécurité. 10 sachets contenant un total de 15 kilos de pilules d'ecstasy ont été découverts dans un double fond de son bagage. Sa deuxième valise, qui a été interpellée à son arrivée à Istanbul, contenait encore 18 kilos de drogue. En France, un homme de 25 ans en garde à vue depuis mardi soir dans le cadre de l'enquête sur la mort de la petite Océane a avoué être l'auteur du meurtre de la fillette. Il s'est présenté lui-même à la police demandant qu'on lui fasse des prélèvements ADN et puis il est passé aux aveux. Père d'un enfant sans activité professionnelle et sans antécédent judiciaire, il a expliqué qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait samedi soir car il était sous l'emprise de l'alcool et peut-être de la drogue. Dans l'est de la Turquie, un séisme de magnitude de 5,6 s'est produit hier soir, provoquant l'effondrement d'un hôtel de 6 étages et un bilan d'au moins 5 morts. Et puis enfin, la fraude dans l'Union européenne représenterait 200 à 250 milliards d'euros, soit environ 2% de la richesse du vieux continent. La Commission européenne a proposé de lancer dès 2014 un vaste programme baptisé Fiscus. Son ambition sera d'améliorer la coopération entre les différentes autorités douanières et fiscales des 27 pays. Restez bien sur Fun Radio, il est 7h03. Dans un instant, Britney Spears et le remboursement de vos factures. Mais avant ça, c'est la météo. Aujourd'hui, on profitera d'un beau temps ensoleillé et doux pour la saison, maxima de 13 à 17 degrés. Demain, il va faire toujours aussi beau, sauf quelques nuages qui sont attendus sur la côte. Très bien, bah, c'est une bonne nouvelle également. Bon, bah, si vous voulez, si vous avez prévu de faire quelque chose également ce week-end, n'hésitez pas à venir nous le dire. Hein, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? 30-44, n'hésitez pas. Dans un instant, je vous explique à nouveau comment faire pour vous faire rembourser vos factures. C'est dans 20 secondes que ça se passe sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Et Effectivement, les factures, ça va arriver dans un instant. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. 6322, débutez le message par facture. Et on vous appelle peut-être dans 5 minutes, juste après Britney Spears et Criminal, pour vous offrir justement le remboursement de vos factures. Bonne chance d'avance. Quelle est l'info en plus? Alors, la collection des guides touristiques Lonely Planet, ils sont assez connus, dévoile cette fois les meilleures destinations mondiales pour nudistes. Ah, sympa. Pour partir en vacances dans le plus simple appareil, par exemple, si vous désirez pédaler sans contrainte. C'est ceux qui partent avec Ryanair, comme on ne peut pas prendre de valise. C'est pas facile quand même. Bien joué. En tout cas, si vous voulez pédaler sans contrainte, il existe le World Ride Bike Naked, qui est célébré aux quatre coins du monde, Australie, Brésil, Danemark, etc. Ou alors, si vous désirez vous rendre dans le plus grand parc d'Europe qui permet le nudisme et vous balader au cœur de la ville sans chemise et sans pantalon, c'est en Allemagne, à Munich, qu'il faut se rendre. Parce qu'en plus, il ne faut pas être frileux. Non. C'est sûr. Alors, le Festival mondial des peintures sur le corps se déroule en Autriche. Évidemment, on connaît le Cap d'Agde en France. Ça, c'est un peu moins loin pour se balader, très simplement, sur les plages du Cap d'Agde. Alors, ils indiquent que c'est à Miami, la seule plage où il est autorisé aux États-Unis de se promener tout nu. Et alors, il y a même une croisière pour nudistes qui existe en Croatie. Donc, 8 jours sur un bateau, tous tout nus. Waouh, quel kiff. Et oui, après la croisière s'amuse, la croisière à poil. C'est ça. Mais ils s'amusent peut-être aussi, cela dit. Mais bon. Oui, mais c'est pas les mêmes jeux, a priori. C'est vrai. 7h05 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. On vous rembourse vos factures dans un instant. Et on écoute le son tout à l'heure de Maroon 5 avec Christina Aguilera, avec Moves Like Jagger. Et puis tout de suite, Britney Spears qu'on écoute. C'est parti, Criminal, 7h05. C'était Britney Spears sur Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et il y a Super Fun qui va arriver dans un instant aussi, ce sera Lucky Star sur Fun Radio. Et à 7h09, nous allons maintenant appeler quelqu'un pour lui rembourser sa facture. Et oui, vous vous êtes inscrit au 6322 avec le code facture, en mettant le montant et l'objet de la facture. Et bien, c'est l'heure maintenant de compter l'oseille. On appelle quelqu'un pour lui rembourser sa facture. C'est parti, on appelle l'homme. On appelle pas. Ah, voilà, parfait. Une allez, c'est parti. De 52,90€ pour une assurance familiale. Très bien, allez hop, on y va. Quand faut-il que ça décroche et qu'elle réponde bien à la question aussi, hein. Qu'il ou elle. Un message qui dit je veux vous rencontrer. Pas de problème. Hein. Bien donc, vous bonjour, vous êtes bien, c'est Chantal et Jean-Marie Loré. Ah, nous salut Chantal. Nous sommes actuellement absents et vous pouvez toujours nous laisser un message. Donc, laissez un message. Veuillez laisser un message après. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus un répondeur. Allô Chantal, bonjour, c'est Mickaël, t'étais sur Fun Radio, tu t'étais inscrite pour qu'on te rembourse ta facture et on t'appelle, mais malheureusement tu n'as pas décroché, c'est dommage. Du coup 54,90€ pour l'assurance familiale, à côté, c'est dommage. Bon, écoute, tu retentes ta chance quand tu veux. En tout cas, ça fera plaisir à tous ceux qui vont jouer maintenant, puisque entre 7h10 et 8h10, grâce à toi, vu que tu n'as pas décroché, on ne sélectionnera que ceux qui s'inscrivent entre 7h10 et 8h10, ce qui veut dire que vous avez forcément plus de chance. 6322, code facture. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Salut Chantal. Voilà. Oh, c'est dommage, hein. C'est dommage. Un dernier jour de la semaine, comme ça en plus. Vraiment ballot. C'est vraiment ballot. Bon, super fun dans un instant. Et puis, comme on donne la réponse à l'énigme dans 3 minutes, juste avant l'horoscope de Doudou, je le rappelle, la petite énigme, hein, on la casse pour apaiser la faim sur la peau suite à une blessure. Elle tombera. On essaye de bien la gagner. Qui est-elle? C'est un mot qui est relativement moche. C'est ce qu'il y a autour du pain aussi, en général, hein, ou un truc brûlé. On appelle ça comme ça aussi. Si vous avez la bonne réponse, 6322, bonne chance. Écran plat, pack Nintendo Wii ou encore des cadres photo numériques XL, comme ça vous savez tout. Il y a 7h11, c'est parti, Super Funk et Lucky Star. Le son de Super Funk sur Fun Radio, c'était Lucky Star. Il y a Maroon 5 aussi qui va arriver dans un instant. Ce sera Moves Like Jagger. Donc restez bien là, 7h15, et nous avons Natacha qui est avec nous maintenant pour la réponse et la devinette qui colle. Salut Natacha. Salut. Comment ça va Nat? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien aussi. Natacha, t'as 19 ans, toi, t'appelles d'où? De Richel. De Richel, c'est ça? Oui. Très bien. Écoute, Natacha, tu vas donc nous donner la réponse à la devinette qui colle. Écoute bien, on la casse pour apaiser la faim. Sur la peau, suite à une blessure, elle tombera. On essaye de bien la gagner. Qui est-elle? C'est une croûte. Et c'est une bonne réponse. Croûte est le mot préféré de Julie, d'ailleurs, faut le savoir. Oui. Ah, pas du tout. Elle adore se dégratter. Et oui, c'est une croûte. Très, très laid. Une croûte. Ah ouais. Bon, écoute, il n'y a pas de problème, Natacha. Cadeau pour toi, tu choisis quoi? L'écran plat. Il n'y a pas de problème. Je te renvoie chez Lob au standard. On va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ça rapidement, d'accord? Merci de remplir. Salut, Dan. Gros bisous. À bientôt. Eh ben salut, ben gros bisous, à bientôt aussi. J'attendais une petite réponse polie, mais bon, rien du tout. Bon, 7h16, c'est l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Eh oui, l'horoscope. Tiens, vous savez jouer au poker, Doudou? Doudou? Non, pourquoi? Bah, je ne sais pas, non, je demande ça pour voir si éventuellement vous avez un plan pour gagner plus facilement l'euro million. Ah non, pas du tout. Vous me dites ça parce que vous avez vu la petite information du jeune qui a gagné là presque 6 millions, non, 6 millions et demi même. Hein. Exactement, oui. Eh oui, parce que ça soit plus facile pour vous, hein, pour gagner, parce qu'à l'euro million, vous gagnez pas grand chose. Bah, 6 millions et demi, en même temps que si vous voulez shooter avec ça, moi je vise les 15 millions, c'est le minimum syndical l'euro million, ça. Ouais, bah peut-être que si vous gagnez deux fois poker, vous gagnez. Hein. Ouais, c'est vrai, mais il faut gagner deux fois poker en même temps. Ah oui, bah bon, peut-être prendre des coups. C'est vrai. Bon, les béliers. Doudou. Alors suivez votre intuition et forgez des projets professionnels. Les taureaux. Sur le plan professionnel, cette journée ne peut être meilleure. Tout est au beau fixe. Les gémeaux. Vous vivez une période plus agitée que d'ordinaire, mais en prenant les mesures nécessaires, vous arriverez à venir à bout de tout. Les cancers. Franchement, est-ce que vous avez déjà reçu quelque chose sans faire d'efforts dans la vie? Les lions. Oui, j'attendais une réponse de Julie, moi. Bah, non. Non. Eh ben, mets-toi au travail. C'est ça. Les lions. Aujourd'hui, votre dernière chance de mettre de l'ordre dans votre relation. Sinon, c'est mort. Eh oui, les vierges. Une nouvelle inattendue va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Les balances. Vous surmontez les tensions si vous n'y participerez pas. Très bien, les scorpions. Tout va bien aujourd'hui et vous êtes entièrement satisfait. Les sagittaires. Attention, vous courez le risque de vous surmonter. Mener. Avant le week-end, ce serait dommage. Les capricornes. Vous pouvez prendre plus de risques. Tout vous réussit aujourd'hui. Les Verseaux. Prenez au sérieux les conseils qu'on vous donne. Et surtout, mettez-les en application. Bon, et pour terminer, les poissons. Attention, quelqu'un pourrait essayer de vous duper. Eh oui, mais merci. Vous déjouerez les pièges grâce à votre attention. Autant pour moi. Merci, bah, Doudou. Oui, une minute. Bah oui, oui. On vous retrouve. On pièces quand même. Non, c'est vrai. On vous retrouve dans une heure. Bah j'espère bien. Parfait. Dans un instant, un petit peu en avance aujourd'hui, la déclaration express. Car nous aurons tout à l'heure en exclusivité totale et mondiale même d'ailleurs, Silvio Berlusconi pour nous expliquer sa démission. Sa démission, tout simplement, voir un petit peu comment ça s'est passé, etc. Nous aurons Silvio Berlusconi en direct par téléphone. Donc restez bien là. Nouvelle devinette qui colle aussi, ça va arriver d'ici quelques instants. Vous pourrez donc repartir encore une fois avec un écran plein, un pack Nintendo Wii, des cadres photo numériques XL ou encore des tours iPod. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écoutez dans quelques instants la devinette qui colle. Et avant ça, on va s'écouter le son de Maroon 5 évidemment sur Fun Radio avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Il est 7h18. Bonne matinée. Michael, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Michael à la radio, 6h09h30 sur Fun Radio. Michael, à la radio. Fun Radio. 7h22 sur Fun. Dans quelques instants, il y aura l'info de Julie qui va débarquer, comme chaque matin. Vous connaissez le principe maintenant. Et puis un message qui dit bonjour, Michael, Toff et Julie. Il y a un camion en panne sur la route de Philippeville, direction Couvin-Charleroi. Ça galère. Big up, c'est Mirko. Merci à toi, Mirko, pour l'info. Et si vous aussi vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas d'ailleurs à nous donner l'info pour qu'on puisse la partager avec les autres auditeurs. Ça se passe au 3044 ou alors sur Facebook, Twitter ou sur le blog et Michael officiel. N'hésitez pas. Nous avons avec nous pour la déclaration express ce matin Maxime. Salut Maxime. Salut Michael, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bien, bien, la forme. Bon, bah, tant mieux. Bienvenue à toi Maxime. Alors on va appeler Merci. Alice dans un instant pour une déclaration express. Tout à fait. Alors qui est Alice? Alice, en fait, c'est mon ex-copine avec qui c'est fini il y a maintenant 2 mois et que j'aimerais bien récupérer. D'accord, ok. Comment, et ça s'est fini pour comment, pourquoi? Bon, en fait, ça s'est fini parce qu'on n'arrivait plus vraiment à se parler et qu'on était vraiment, qu'on avait des petits désaccords sur certaines choses. D'accord. Et qu'on n'osait pas vraiment se le dire. Ok, ok, très bien. Bon, eh ben écoute, c'est pas grave, on va l'appeler. Tu l'appelles maintenant, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire. Enfin, si elle décroche, évidemment, et si elle décroche pas sur le répondeur, tu diras pareil. Et puis, dès que t'as dit j'ai un truc à te dire, hop, nous on démarre la chanson. D'accord? Pas de soucis. Allez, c'est parti, on y va, on appelle Alice. Ouais, donc, quel âge elle a, elle? 24 ans. 24, c'est parti. Allez. Et l'homme qui est complètement perdu, il ne sait pas du tout où est-ce qu'il est là. Il était en train de se noyer. Ah ouais, complètement paumé là. J'étais en train de redire mes paroles vraiment. Ah, ça doit être ça, ouais. Ah, petit accident aussi sur le 411 au niveau de Wavre, c'est Jérôme qui nous le signale. Merci Jérôme. Ça, vous le savez sur le 411. Dis-nous juste vers où. Ce serait cool. Dans quel sens? Dans quel sens, ouais. Bon appétit, Julie également. Merci. Allô? Oui, coucou Alice, Max. En fait, j'ai quelque chose à te dire, donc voilà. Au réveil en plus. Ah oui, ah normal. Ouais, c'est dur. Oh. chaque fois. La matinale quand tu n'es pas là. Maintenant, c'est vrai, je l'avoue. Depuis que t'es parti, je deviens fou. Je suis seul du soir au matin. Du coup, je dois jouer. Mais c'est vrai que t'étais belle à crever. On avait du à communiquer. Mais qu'est-ce qu'on savait bien niquer. Oh, ça allait pas, ça allait pas. Et tu t'es séca. Oh, oh, ça allait pas, ça allait pas. Ça allait pas, reviens vers moi. Oh, oh, oh, oh, reviens-moi. Reviens, tu regretteras pas. Et il y a un petit message qui est arrivé, je suis gêné pour lui. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé alors, Alice? Moi? Oui. Oui. Enfin, voilà quoi, mais je préfère en parler avec lui. De toute façon, je ne reviendrai pas, sache-le. Oui, bah voilà, mais ça me l'air assez mort. De toute façon, avec ce genre de réponse, effectivement, on a bien compris que c'était mort. Mais il n'y a pas de problème, hein, tu as mais droit, il n'y a aucun souci. Mais je te reprendrai quand même au standard, Alice. C'est ça, t'as raison. Bon, ben voilà, Maxime, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Non, mais allez, pas de soucis. Voilà, bon, ben passe une bonne journée, puis ben, tiens au jus, hein, Maxime, hein, d'accord? Ouais, ça va, merci. Allez, salut Max, salut Alice, à vous deux, à bientôt. Allez, salut. À tout de suite, Alice. Et puis le problème sur l'E411, c'est en direction de Bruxelles. Petit accident sur la E411, au niveau de Wavre. C'était Jérôme qui nous avait prévenu. Voilà, merci à toi. Devinette qui colle, je vous l'annonce maintenant. De vélo, elle saute parfois. Son travail n'est pas passionnant. On la porte en or, autour du cou, même en argent. Qui est-elle? Encore une fois, c'est facile. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, ça nous rend le message. Il y a des écrans plats à gagner ce matin, des packs Nintendo Wii, des tours iPod ou encore des cadres photo numériques XL. C'est à gagner ce matin. Vous choisissez ce que vous voulez. Deux vélos, elle saute parfois. Son travail n'est pas passionnant. On la porte en or, autour du cou, même en argent. Voilà, bonne chance tout le monde. On va revenir dans un instant sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous en direct évidemment. Et puis avec, bon, je fais une petite pause pub et on revient juste après. On revient juste après aussi avec le son de Lucenzo. Lucenzo et Don Omar sur Fun Radio avec Danza Kuduro. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Voici Julie. Bonjour à tous. Cet hiver, Julie est encore tombée malade. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Julie a encore passé plusieurs jours en face de sa cuvette de toilette. Mon Dieu, quelle horreur. Ah bah oui. Dommage que Julie ne connaisse pas Probiotical. Probiotico ? Parce que Probiotical est l'ange gardien de votre flore intestinale. Probiotical, une innovation des laboratoires Facobel. C'est Fun Radio, il est 7h30, bienvenue si vous débarquez, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 et on passe à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, le trafic ferroviaire pourrait être perturbé ce matin. Les travailleurs des ateliers de la SNCB se croisent les bras pour 24 heures. Ils protestent contre la restructuration des ateliers et la suppression annoncée de 250 à 750 postes. Le plan veut aussi limiter les temps de pause pour augmenter la productivité. Les travailleurs risquent donc de devoir faire plus avec moins de personnel ou alors le travail sera réorganisé vers des sociétés externes. Ce matin, sur les rails, une dizaine de trains ont été déjà supprimés. Le prix du diesel bat des records à la pompe. Le nouveau prix est passé à 1,511 € le litre, soit une augmentation de 1,3 centimes d'euros. Et encore, le système du cliquet inversé a été automatiquement actionné. Le prix du diesel a grimpé de 22% en un an et doublé en 10 ans. Quelques 8 milliards de litres de diesel sont vendus chaque année face à ces prix en constante augmentation. Le Belge adapte doucement ses achats automobiles. Les voitures hybrides mi-essence, mi-électrique commencent à décoller avec 5000 ventes cette année. Mais le véhicule tout électrique ne séduit pas. 156 ont été immatriculés en 2011. Un homme a été tué par balle la nuit dernière dans un café à Liège. Peu après 1h du matin, l'homme de 26 ans est sorti du café le 24 et quelques instants plus tard, Le patron et le second client ont entendu des coups de feu à l'extérieur. L'individu est rentré précipitamment, déjà blessé et suivi par un homme armé d'un pistolet qui a continué à tirer dans sa direction. La victime s'est écroulée, touchée au total par 8 balles. Le jeune homme est décédé sur place. Quant à l'auteur, il a pris la fuite et les deux témoins disent ne pas le reconnaître. En France, un homme de 25 ans en garde à vue depuis mardi soir dans l'enquête sur la mort de la petite Océane a avoué être l'auteur du meurtre de la fillette de 8 ans. Il s'est présenté lui-même à la police, demandant qu'on lui fasse des prélèvements ADN. Père d'un enfant, sans activité professionnelle et sans antécédent judiciaire, il a d'abord expliqué qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait samedi soir car il était sous l'emprise d'alcool et peut-être de drogue. Et puis dans l'est de la Turquie, un séisme de magnitude 5,6 s'est produit hier soir, provoquant l'effondrement d'un hôtel de 6 étages. Le bilan est d'au moins 5 morts. Et on passe à la météo. Dans un instant également, Lucenzo avec Don Omar. Ce sera Danza Kuduro sur Fun Radio. 7h33, que se passe-t-il au niveau du temps? On profitera d'un temps ensoleillé et très doux pour la saison avec des maxima de 13 à 17 degrés. Demain, il va faire toujours aussi beau, seul quelques petits nuages viendront perturber tout ça à la côte. Eh ben voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, tiens. On vous remboursera vos factures aussi tout à l'heure, c'est dans 30 minutes, 40 pour être précis. Et puis on aura aussi en interview exclusive Silvio Berlusconi qui va venir nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé au niveau de sa démission. Ce sera tout à l'heure sur Fun Radio, restez bien avec nous et on va passer à l'info en plus maintenant. Une marque de lingerie suédoise a formulé une demande un petit peu particulière à ses vendeuses. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu demander aux vendeuses de lingerie? Eh bien, la marque a demandé aux vendeuses d'afficher leur taille de soutien-gorge sur leur badge, juste en dessous de leur nom. Alors, cette directive est déjà en place depuis 3 ans, mais pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que maintenant, ça y est, les vendeuses, elles se rebellent, elles ont porté plainte, car elles trouvent ça dégradant. Alors, oh, dégradant tout de suite. Non, mais c'est vrai que c'est plus facile quand t'es un mec, tu connais pas trop la taille exactement. Une femme te dit, ouais, mais elle fait quelle taille votre copine? Bah, je sais pas, comme vous, faites quelle taille vous? Bah, oui, ça correspond. Bah, voilà, peut-être que ça peut aider les hommes. C'est effectivement comme ça que la marque défendait son idée en disant, voilà, c'était pour aider les clients et clientes. C'était plus facile de se rendre compte en voyant la taille de quelqu'un d'autre. Mais bon, les vendeuses trouvent ça dégradant, donc maintenant ça passe en justice. Elles disent que dans leur marque, les pervers reluquent leur taille de soutien-gorge. Bah, ouais, non, mais pourquoi? Oui, non, mais ça, après, c'est autre chose. Après, t'as effectivement des gros pervers qui rentrent dedans juste pour voir un petit peu ce qui est marqué. Non, ça, je bien sûr. Je pense que de toute façon, avec ou sans la taille marquée sur le badge, il y aura des pervers. Et ça, c'est clair. Dans un instant, je vous rappelle la devinette qui colle une fois de plus. On aura Toff pour un petit Mickaël réveille la Belgique juste après le son de Lucenzo et Don Omar qu'on écoute tout de suite. Danza Kuduro sur Fun Radio. Bonne matinée, tout le monde. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Don Omar avec Danza Kuduro sur Fun Radio. Si vous aimez ce style de musique, n'oubliez pas que tous les vendredis soirs sur Fun Radio, la seule émission latino est présente. L'Invasion Latina entre minuit et 1h du mat. Il est 7h38 sur Fun Radio. Je vous rappelle maintenant la petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat, un pack Nintendo Wii ou encore des cadres photo numériques XL. Attention, c'est des grands formats, hein. Ça coûte bien cher, c'est pas des tout petits. Ou encore les tours iPod. Quand je dis tours, c'est vraiment une tour, elle doit faire 1m20 de haut, donc c'est pas non plus un petit truc ridicule. Pour ça, il faut répondre à la devinette qui colle. De vélo, elle saute parfois. Son travail n'est pas passionnant. On la porte en or, autour du cou, même en argent. Qui est-elle? Voilà, la bonne réponse au 63-22. Ayam en parlait dans sa chanson « Je danse le Mia » et il en parlait de manière brillante. Voilà, on dit pas plus. Pour ceux qui ont un minimum de culture musicale, ça devrait normalement faire tilt. Bon, on a Toff maintenant pour un petit Mickaël réveille la Belgique. Allô, allô. Allô. Oui, tu es où là? Parce que le... Ouais, mais t'as ton kit pas libre. Oh là là là là, c'est inaudible. Toff. Ça, c'est le mégaphone. Ah voilà, ça y est, maintenant j'entends, ouais. Voilà. Donc là je suis en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des parkings pas loin de la radio, ouais. Où les gens sont en train, enfin vont chercher leur voiture le matin, un petit peu la tête dans le cul. Ouais, ouais. Et là je viens de repérer des gens qui étaient en train d'ouvrir leur garage. Ouais. Donc là je vais courir dans l'allée où il y a des garages et je vais leur dire que Mickaël réveille la Belgique. D'accord, très bien. Allez, vas-y. Alors attention, vous êtes prêts? Oui, vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Je crois pas que c'est franchement apprécié dans le quartier. Mais yo, mais t'es fou quoi? Mais casse-toi et dégage! Non, je pense que je vais devoir courir un peu plus vite. Oui, elle est jeune ou elle est vieille, la dame? Comment ? Elle est jeune ou elle était vieille ? Entre deux âges. En tout cas, elle avait 45 ans. Ah oui, donc elle n'avait pas d'humour, quoi. Elle n'avait pas d'humour. Non, ça n'a pas fait rire. Bon, bah très bien. Je crois que je vais faire un peu sursauter aussi. Oui, c'est possible aussi, ça, effectivement. Bon, ben reviens à la radio alors, très bien. J'arrive. Allez, à tout de suite. Hein. À tout de suite. C'est bien. Mais là, t'es fou, quoi. Casse-toi. Bon, Mickaël réveille la Belgique. Si vous voulez faire pareil chez vous, n'hésitez pas, bien sûr, hein, si vous voulez faire chez le monde. Vous nous envoyez un petit message au 3044 en débutant le message par réveil ou alors vous envoyez un mail mikl@funradio.be. Nous, bien évidemment, nous vous récompenserons si jamais le réveil est bon, c'est normal. On écoutera Enrique Iglesias dans un instant. I like how it feels sur Fun Radio. Il y aura aussi la ligne anti-relou et le point trafic. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio, bienvenue tout le monde. Il est 8h15. On va faire un tour du côté de ce qui se passe sur les routes. Prudence, accident à hauteur de Ternat sur le 40, Gand en direction de Bruxelles. La bande droite est obstruée au kilomètre 9.9. Véhicule en panne sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Berstel. Bande de gauche obstruée au kilomètre 62.3. Accident sur le 411, comme un auditeur nous en parlait. Luxembourg-Namur en direction de Bruxelles à hauteur de Bierge. C'est la bande de gauche qui est obstruée au kilomètre 18.9. Et puis accident sur le 19, Anvers en direction de Bruxelles à hauteur de Contiche. C'est la bande, ma page est partie, la bande deux banches de gauche qui sont fermées. La deux banches de gauche. C'est des bonnes de gauche, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, hein, comme d'hab, vous n'hésitez pas bien sûr à nous prévenir, que ce soit sur le Twitter ou sur le Facebook. Vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre ou alors tout simplement un petit SMS au 3044, c'est 50 centimes le message. On va passer maintenant à la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio, 7h, 8h et 9h moins 4. Les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou grâce à vous, grâce à un numéro de téléphone qu'il faut retenir par cœur, le 0473 86 00 13. Vous retenez le numéro par cœur et vous le donnez aux relous que vous croisez, comme ça vous en êtes débarrassé et eux, bah forcément, vont penser qu'ils ont fait l'affaire du siècle, sauf qu'en fait pas vraiment, puisqu'ils tomberont chez nous. Et nous, évidemment, avec plaisir, on écoutera leurs messages, comme celui-là par exemple. Bonjour, c'est Romain. 2 heures, je t'attends. Alors déconne pas maintenant, pète un câble, moi. Et Voilà. Bon, deuxième message ce matin sur la ligne anti-relou. Oui, c'est vrai que c'était confort, pareil. Je t'ai donné rendez-vous, j'ai attendu une bonne heure et demie. C'est pour savoir quoi, parce que moi j'ai apprécié ce qu'on a passé hier ensemble. Tu pouvais me rappeler, ce serait vraiment sympa. Et je rêve de toi depuis tellement longtemps. J'ai adoré quand tu faisais des gros câlins. Tantôt mon amour. Mais oui, mais visiblement, l'autre personne n'a pas vraiment adoré quand tu faisais des câlins, puisque tu as atterri sur la ligne anti-relou. Ce qui est dommage pour toi. Troisième et dernier message pour ce tour-ci. Allô, ma chérie, où tu es? Je t'attends devant le cinéma. On s'est rencontrés hier soir et voilà, si douce, adorable et... Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien te sentir, s'il te plaît. Viens. Allez. Retéléphone-moi. Ou pas, en fait, hein. Voilà, c'est... Surtout ou pas, oui. Bah ça dépend, tu vois, t'as des gens comme ça, ils sont persuadés que, alors qu'en final rien. Mais là c'est mort de toute façon, la ligne anti-relou, c'est mort. Ah oui, là c'est plié, effectivement. Bon, numéro de la ligne anti-relou, retenez-le bien par cœur, 0473 86 00 13. Dans quelques instants, je vous rappelle la devinette qui colle. On va encore appeler des gens pour le faire chier ce matin, hein, comme d'habitude, hein. Bah évidemment, c'est mon plaisir personnel. Et nous aurons Silvio Berlusconi en interview exclusive par téléphone dans quelques instants. Donc restez bien avec nous. On écoute Enrique Iglesias et Pitbull maintenant. I like how it feels. Mickaël, à la radio. Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpi kai, pauvre con. It's my time. Enrique Iglesias sur Fun Radio. Il y aura Bruno Mars aussi dans un instant avec Marry You. Il est 7h52. Je vous offrirai vos places aussi pour aller à l'événement Dance Floor de l'année. C'est le Star Floor qui aura lieu à Paris-Bercy, dans la capitale française. Et on vous enverra là-bas peut-être tout frais payé. Je vous en parle d'ici quelques instants. Ce que, dont je vais vous parler tout de suite, c'est la devinette qui colle pour repartir avec les écrans plats, les packs Nintendo Wii, les tours iPod ou encore les cadres photo numériques XL qu'on vous offre ce matin. C'est à vous de choisir. Si vous avez la réponse, la devinette qui colle, c'est la suivante. De vélo, elle saute parfois, son travail n'est pas passionnant, on la porte en or autour du cou, même en argent. Qui est-elle? Bonne réponse au 63-22. C'est un euro le message, bonne chance d'avance. Bon, ce matin, tu es tombé sur une histoire assez particulière, Tof? Ouais, c'est un couple d'Américains qui se disent « Oh, on va faire un truc sympa et tout, on va inviter une fille en plus, comme ça on fera un truc, un petit plan à 3. » Ouais. Et là, le plan se déroule, sauf que le mari pète les plombs et il balance la télé sur sa femme. Bien sûr. Et tu appelles les gens pourquoi du coup? Alors, savoir s'ils ont une télé à donner? Non, juste pour savoir si chez eux ça se passe bien quand ils font des plans à 3. Ah oui, d'accord, évidemment, c'est un titre informatif. Complètement. Bien entendu. C'est pour le bien de la civilisation. Évidemment, évidemment. Bon, ben c'est parti. On est toujours là pour aider les gens. C'est vrai. On avait appelé à Charleroi. On avait appelé à Charleroi tout à l'heure. On va appeler à Jambes. Région Namuroise maintenant. Et puis j'ai oublié de vous dire, si vous avez la réponse à la devinette qui colle, il faut envoyer votre réponse au 63-22. C'est un euro le message. Bonne chance tout le monde. Allez, c'est parti. On y va. On appelle à Jambes. Ah, voilà, ça sonne. M'inquiétez, maman. Pas super pressé de décrocher. C'est le matin. Ouais, je sais que c'est le matin. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, écoutez, je vous appelle pour savoir si vous avez déjà pratiqué le sexe à plusieurs. Espèce de con, va. Pas super. Bon, oui, pas agréable, hein, Jean. Bon, on va rappeler, hein. Oui, elle aurait pu dire bonjour avant, quand même. Oui, c'est ça, c'était le minimum syndical. Allez, on rappelle. Voilà. Allô ? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, je n'ai pas eu le temps d'entendre votre réponse. On n'avait rien d'autre à faire à cette heure-ci ? Non, madame. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bah, allez vous faire soigner, hein. Bah, attendez, monsieur, je ne vous ai encore rien demandé. Non, c'est quoi cette affaire ? Bah, je voudrais juste savoir si, avec votre femme, vous pratiquez le sexe à plusieurs. Ah, lui non plus, il n'a pas l'air ouvert. Hein. Bon, eh ben, c'est pas grave. On va encore une fois le rappeler. Bah, enfin, oui, les rappeler. Quelle bande de malpolis. Je sais pas si même. On va tomber sur madame ou monsieur, mais enfin, on verra bien. Allez, hop. Oui. Excusez-moi, j'étais au téléphone avec monsieur, mais nous avons été coupés. Eh, vous le faites exprès, là? C'est quoi, cette histoire? En fait, vous n'avez rien d'autre à faire? Moi, j'ai des enfants qui dorment à ce heure-ci, hein. Oui, mais je voulais juste savoir si vous aviez déjà... J'en ai rien à foutre. Vous avez pas vu l'heure, là? Bah, si, je vois très bien l'heure, madame, j'ai une montre. Eh ben alors, faites autre chose que de nous téléphoner, ça fait la troisième fois. Si vous voulez des emmerdes continuer, c'est bien parti pour. Ok? Mais je veux juste savoir si vous avez déjà pratiqué à trois. Merde. Mais attention, elle, attention. Elle est pas super ouverte. Hein. Non, et attention, la menace. Si vous avez des emmerdes, vous êtes bien parti pour. Ah bon, ben comment vous allez faire? Bon, et ben voilà, après cette petite... petite agression là, petite musique de paix d'amour et d'amitié, tiens, Bruno Mars maintenant. Ça se mariait très bien avec nos amis de Jambes. C'est Marry You sur Fun Radio, bonne matinée, 7h55. It's a beautiful Marry You. 7h59 sur Fun Radio, bon réveil. Oh, excuse-moi Bruno, y'a pas fini. Ça fait très Noël quand même. Hein. Oui. Voilà. Excuse-moi Bruno, hein. Voilà, on peut y aller maintenant. 7h59 sur Fun Radio, bon réveil donc. Dans un instant, il y a Kate de Luna qui arrive avec Fatman Scoop, ce sera Drop It Low. Et puis je vous rappelle aussi que dans quelques instants, nous allons vous rembourser vos factures. Comment faire? Facile, un petit message à envoyer au 6322. Débutez ce message par facture, espace le montant à rembourser, espace l'objet de la facture à vous faire rembourser. C'est pas très compliqué, hein. 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture dans le message. C'est un euro le message et on vous appelle dans moins de 10 minutes chez vous, peut-être là comme ça en direct pour vous offrir le remboursement de cette facture. Comme ce n'est pas tombé tout à l'heure chez Chantal à 7h10, on ne sélectionnera que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10. Vous savez comme ça comment ça se passe. Dans un instant, bah, je vous le disais, Kate de Luna, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, bah, c'est ça. Kate de Luna avec Fatman Scoop et Drop It Low, et Kate de Luna qui sera avec nous la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour, mais je vous le dirai. Et à 8h pile, c'est l'info maintenant qui s'installe avec Julie. Bonjour à tous. Le trafic ferroviaire pourrait être perturbé ce matin. Les travailleurs des ateliers de la SNCB se croisent les bras pendant 24 heures. Ils protestent contre la restructuration des ateliers et la suppression annoncée de 250 à 750 postes. Le plan veut aussi limiter les temps de pause pour augmenter la productivité. Les travailleurs risquent donc de devoir faire plus avec moins de personnel, ou alors le travail sera réorganisé vers des sociétés extérieures. Une dizaine de trains ont déjà été supprimés ce matin. Le prix du diesel bat des records à la pompe. Le nouveau prix est passé à 1,511 euros le litre, soit une augmentation de 1,3 centimes d'euros. Et encore, le système du cliquet inversé a été automatiquement actionné. Le prix du diesel a grimpé de 22% en un an et doublé en 10 ans. Quelques 8 milliards de litres de diesel sont vendus chaque année. Face à ces prix en constante augmentation, le Belge adapte doucement ses achats automobiles. Les voitures hybrides mi-essence, mi-électrique commencent à décoller avec 5000 ventes cette année. Mais le véhicule tout électrique ne séduit pas. À peine 156 ont été immatriculés en 2011. Un homme a été tué par balle la nuit dernière dans un café de Liège. Peu après 1h du matin, l'homme de 26 ans est sorti du café le 24 et quelques instants plus tard, le patron et le second client ont entendu des coups de feu à l'extérieur. L'individu est rentré précipitamment, déjà blessé et suivi par un homme armé d'un pistolet qui a continué à tirer dans sa direction. La victime s'est alors écroulée, touchée au total par 8 balles. Le jeune homme est décédé sur place. Quant à l'auteur, il a pris la fuite et les deux témoins disent ne pas le reconnaître. En France, un homme de 25 ans en garde à vue depuis mardi soir dans le cadre de l'enquête sur la mort de la petite Océane a avoué être l'auteur du meurtre de la petite fille de 8 ans. Il s'est présenté lui-même à la police, demandant qu'on lui fasse des prélèvements ADN. Père d'un enfant, au chômage et sans antécédent judiciaire, il a d'abord expliqué qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait samedi soir, car il était sous l'emprise d'alcool et peut-être de drogue. Dans l'est de la Turquie, un séisme de magnitude 5,6 s'est produit hier soir, provoquant l'effondrement d'un hôtel de 6 étages. Le bilan est d'au moins 5 morts. Et on va passer dans un instant au son avec Kate de Luna. Ce sera Fatman Scoop également, Drop It Low. Et puis la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui? On profitera d'une belle journée ensoleillée et des maxima doux pour la saison de 13 à 17 degrés. Demain, il va faire toujours aussi beau, sauf quelques nuages sur la côte qui viendront perturber tout ça. Eh ben, très bien. 8h02 sur Fun Radio. Restez bien avec nous. Comme je le disais dans un instant, c'est Kate de Luna et je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. On fait ça dans 20 petites secondes sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h03, je vous explique encore une fois comment faire pour vous faire rembourser cash vos factures. C'est facile, on vous appelle juste après Kate de Luna, c'est-à-dire dans à peu près 4-5 minutes, pour tout simplement vous rembourser vos factures. On appellera peut-être chez vous, si vous vous êtes inscrit auparavant, évidemment, au 6322. Débutez par facture ce message avec le montant et l'objet de la facture. Et le remboursement de la facture, ce sera peut-être pour vous d'ici quelques minutes. C'est 1€ le message, donc bonne chance. Alors, avant d'écouter Kate de Luna, quelle est l'info en plus? Eh bien, la collection de guides touristiques Lonely Planète dévoile cette fois les meilleures destinations mondiales pour le nudisme. Ah, ben ça peut être un bon plan, ça. Eh ben pourquoi pas. En tout cas, si tu as envie de partir dans ton plan le plus simple appareil en vacances, il y a quelques... C'est-à-dire avec Ryanair. Quelques bons plans, oui. Dans le plus simple appareil. Hein. Oui, oh là là, ça vole très ouais, très haut. Je sais. C'est énorme. Et puis l'avantage, c'est qu'on est nu dans l'avion, du coup, hein, forcément, et qu'en plus, avec les iPads, maintenant, avec leurs films porno dont on a parlé hier, voilà, hop là, une pierre de coups. Hein. Tout ça n'est pas dans le Lonely Planet, en tout cas, c'est parce vraiment que dommage. On te propose quelques destinations. Par exemple, si tu as envie de pédaler, tu vois, de faire du vélo comme ça sans contrainte, il y a un événement qui s'appelle le World Ride Bike Naked. Oh yeah, c'est un événement célébré aux quatre coins du monde, en Australie, au Brésil, etc. Où tu peux comme ça pédaler tout nu. Ou alors tu peux aller dans le plus grand des parcs d'Europe, c'est en Allemagne, à Munich. Tu peux comme ça te parader au cœur de la ville sans chemise et sans pantalon. Si tu as envie de participer au festival mondial de la peinture sur le corps, ça se passe en Autriche quand même. Chaque année, 30 000 visiteurs, artistes, photographes et musicien. Si tu as envie de te rendre en France, il y a le Cap d'Agde, hein, toujours, qui est réputé pour accueillir de nombreux naturistes. Alors, il y a la seule plage aux États-Unis qui accepte les gens tout nus. C'est à Miami qu'elle se trouve. Ah, et alors, c'est marrant, ça. J'y suis allé, mais j'ai pas vu le. Tant mieux, hein, mais j'ai pas vu de plage nudiste. Écoute, elle s'appelle Howlover Beach. Howlover Beach, ok. Tu n'as pas dû aller là. Et alors, sinon, non, si tu as envie de faire une petite croisière, ça se passe en Croatie, donc 8 jours sur un bateau avec tous des gens tout nus. Ah, c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu, mais non, j'ai d'autres rendez-vous à ce moment-là. Ah, quel dommage. C'est vraiment dommage, effectivement. Bon, 8h05 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Il y aura Deepside DJs et Rihanna tout à l'heure. Et puis, avant de vous faire rembourser vos factures, c'est Kate de Luna qu'on écoute. Kate de Luna sur Fun Radio avec Fatman Scoop sur Fun. Drop It Low, il est 8h09. Dans un instant, il y aura All Saints côté souvenirs avec Pure Shores. Bon, on va rembourser les factures. Allez. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, tous les matins, c'est comme ça que ça se passe sur Fun Radio. 7h10, 8h10 et 9h10. Nous sommes les seuls à vous rembourser vos factures. C'est pas compliqué. Il suffit de nous envoyer un petit message au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et nous allons rembourser maintenant 45 euros. 45 euros pour une formation. Formation de quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça peut aider à trouver un travail, tant mieux. Allez, c'est parti. Si la personne décroche et répond à la question, c'est gagné. Ça n'a pas l'air d'être gagné. Allô? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Pardon, j'ai pas compris parce que j'avais la radio avec moi. Eh oui, je dis qui paye les factures le matin? Ah. Eh oui. Hey. Mais tu écoutes quoi comme radio? Attends, sur la radio. Tout juste, hein, tout juste, hein. Bon, ouais, excusez. Hey, excusez. Bon, dis donc. C'est toi qui t'es inscrit ou quelqu'un d'autre t'a inscrit? Pardon? C'est toi qui t'es inscrit ou c'est quelqu'un d'autre qui t'a inscrit? Oui, je me suis inscrit moi. Ah ouais, donc tu souvenais pas la radio, c'est pas mal. Bon, bah écoute, sur le fil. Non, mais ça, c'est l'émotion, Mickaël. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, parfois, ça me perturbe de me parler. Ouais, c'est vrai. Tous les matins. Tous les matins, c'est vrai. Ouais. Parfois, je me laisse un message sur répondeur, je me réécoute. Oh mon Dieu, il m'a appelé, c'est génial. Bon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dylan. Dylan, très bien. Dylan, on va te rembourser une facture de 45 euros pour ta formation, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Formation de quoi? Bah, c'est une formation, en fait, je suis animateur scout et c'est une formation pour mieux s'appliquer dans ce que je fais, quoi. C'est okay. Mieux gérer les jeunes et tout. Eh ben, c'est un super plan, content de rembourser pour ça. Tiens, formation de 45 euros, c'est pour toi, Dylan, tu restes au standard. On va t'expliquer comment ça fonctionne, d'accord? Ok, merci. Salut, à bientôt. Ciao, bye bye. À bientôt, ciao. Et à 8h11 sur Fun Radio, eh ben, on remettra le couvert tout à l'heure, hein, d'ailleurs, si vous voulez faire comme Dylan, là maintenant, qu'on vous rembourse cash votre facture. Inscription 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On remet le couvert tout à l'heure vers 9h10 pour la dernière fois de la semaine. Et oui, demain c'est 11 novembre. D'ailleurs, ça vous fait pas peur? 11-11-11 demain? Pas du tout. 11-11-2011. Mais non, c'est très bien. 11h11 et 11 secondes. Exactement, il y aura Motus sur France 2. Et ça, c'est très dur. Allez, All Saints maintenant sur Fun Radio. Le son d'All Saints à l'instant sur Fun Radio, c'était Pure Shores. Il est 8h15, bienvenue tout le monde. Il y a Rihanna qui arrive dans un instant avec Calvin Harris. Ce sera We Found Love. Et avant d'accueillir notre ami Doudou pour l'horoscope à 8h15, nous avons Mustapha qui est avec nous. Salut Mustapha. Salut. Comment vas-tu? Ah, très bien. Bon, t'as quel âge, dans quelle ville, Mousse? Je suis dans la région de Mons et j'ai 29 ans. 29 ans dans la région montoise. Très bien. Ouais, c'est bien ça. Alors, Mustapha, tu as la réponse et la devinette qui colle. Deux vélos, elle saute parfois. Son travail. Attends une seconde, On se calme. Deux vélos, elle saute parfois. Son travail n'est pas passionnant. On la porte en or autour du cou, même en argent. Qui est-elle? Une chaîne. Eh oui, une chaîne de vélo, une chaîne en argent, une chaîne en or, exactement. Et travailler la chaîne n'étant effectivement pas passionnant. Eh ben bravo Mustapha, c'est gagné. Tu repars avec. Tu veux comme cadeau, tu veux quoi? C'était entre la Wii et la télé. Alors il y a un écran plat, il y a un pack Nintendo Wii, il y a une énorme tour iPod qui fait 1m20 de haut, ou alors un cadre photo numérique XL. Bah non, je prends l'écran plat. Eh ben l'écran plat, on va t'envoyer ça. Il y a pas de problème, Mousse. Merci, bonne journée. Salut, ciao à toi, bonne journée aussi. Et on va passer à l'horoscope. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. On remettra bien évidemment le couvert dans quelques instants avec une nouvelle énigme. Dites donc, Doudou, vous êtes marié, vous ou pas? Mais ça va pas, non? Non, je vous demandais ça parce qu'un Brésilien a été condamné à rembourser son mariage parce qu'il a dit non. Comment ça, il a dit non? Bah, ils étaient devant le curé et à la question « Voulez-vous prendre Josiane pour épouse ?», bah, il a dit non. Ah, moi, j'ai toujours dit que c'était des emmerdes, le mariage, hein. Mais là... Oui, non, je voudrais juste rajouter que si vous dites non à l'hôtel de ville, juste pour rire, c'est la première réponse qui est prise en compte, donc c'est non, quoi. Si tu vas à l'hôtel de ville pour te marier. Non, c'est pour une vanne, ça va. Tu dis voilà, voulez-vous épouser, tu dis non, et ben voilà, c'est quand c'est trop tard. Ben voilà, c'est trop tard. C'est la première réponse qui est prise en compte. Ah, très bien. Oui, voilà, c'est bien ce que j'ai à dire. Moi, la preuve en plus avec celui-là, ça va lui coûter plus cher de pas s'être marié que de s'être fait chier 30 ans avec la vieille. Oui, Doudou. Bon, allez, on va faire l'horoscope maintenant, hein, soyez un peu moins désagréable. Les béliers, Bah oui, mais enfin bon, il va devoir payer quand même. Oui, oui, oui. Allez, les béliers. Suivez votre intuition et forgez des projets professionnels. Les taureaux. Sur le plan professionnel, cette journée ne peut être meilleure. Tout est au beau fixe. Les gémeaux. Vous vivez une période plus agitée que d'ordinaire, mais en prenant les mesures nécessaires, vous arriverez à venir à bout de tout. Les cancers. Franchement, est-ce que vous avez déjà reçu quelque chose sans faire d'effort dans la vie ? Eh ben non, tu vas te mettre au travail alors. Ben voilà, les lions. Aujourd'hui, c'est votre dernière chance de mettre de l'ordre dans votre relation. Après, c'est mort. Les vierges. Une nouvelle inattendue va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Les balances. Vous surmontez les tensions si vous n'y participez pas. Les scorpions. Tout va bien aujourd'hui et vous êtes satisfait. Les sagittaires. Attention, vous courez le risque de vous surmener. Avant le week-end, ce serait dommage. Oui, les capricornes. Vous pouvez prendre plus de risques. Tout vous réussit aujourd'hui. Les verseaux. Prenez au sérieux les conseils qu'on vous donne et mettez-les en application surtout. Bah oui, les poissons. Attention. Quelqu'un pourrait essayer de vous duper. Ah. Mais vous déjouerez le piège grâce à votre attention aujourd'hui. Très bien, merci Doudou, on vous retrouve dans une heure pour la dernière fois de la semaine. Ah oui, d'accord. Très bien, allez, au revoir Doudou. Hein. Oui, au revoir. Très bien, dans un instant, nouvelle énigme qui colle. Bien évidemment, restez bien là. Et puis nous aurons, comme je le disais d'ici quelques instants, Silvio Berlusconi qui sera en direct par téléphone pour nous expliquer toute son histoire de démission, comment ça s'est passé. Ça arrive dans un instant sur Fun Radio. Après le son de Rihanna qu'on écoute tout de suite à 8h19. Rihanna et Calvin Harris, c'est We Found Love sur Fun Radio. Bonne matinée. Bon réveil. Rihanna et Calvin Harris à l'instant, c'était We Found Love sur Fun Radio, 8h22. Bon réveil tout le monde, si vous venez de nous rejoindre, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec une nouvelle devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats ce matin, les packs Nintendo Wii, les tours iPod qui sont juste énormes, elles font 1m20 de haut, donc c'est pas la petite c'est tour plus grand que toi, Mickaël, ça, hein. Écoute, pas loin. Bon, si vous avez envie de repartir avec ça, n'hésitez pas à répondre à la question suivante, la devinette qui colle. Volcanique, elle est violente, cutanée, elle nous couvre de boutons. Dentaire, elle fait souffrir. Qui est-elle ? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 6322, c'est 1€ le message. Je répète, volcanique, elle est violente. Cutanée, elle nous couvre de boutons. Dentaire, elle fait souffrir. La bonne réponse au 6322, un indice éventuellement à donner ? C'est un peu difficile là. Moi je n'ai pas trouvé donc. Ah bon si, moi oui quand même. Ah t'as trouvé toi. Ouais, j'ai pas trouvé. Ne fût-ce que volcanique, elle est violente. Mais c'est. Volcanique, elle est violente. Volcanique. Ah bah voilà. Trouvé. Dès que ça sort de terre. Mais hein Biactol. Ouais, oui, Biactol, mais il a dit de boutons. J'ai dit cutanée, elle nous couvre de boutons, ouais. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Et c'est l'info importante de cette semaine. Silvio Berlusconi a décidé de démissionner. Alors, pour comprendre tout ça, évidemment, nous avons décidé de le contacter. Et il a répondu présent avec plaisir. Et ça fait plaisir, justement. Allô, monsieur Berlusconi. Pronto, appelle-moi Silvio, on est familier maintenant que tu es venu à ma petite partie de Jean Moller. Non, c'est bon. Dites-nous, vous avez été contraint de démissionner à cause de votre mauvaise gestion de la crise. Bah ça, sous la version officielle. En vrai, je me suis rendu compte que d'être au gouvernement, c'était plus drôle. Ah oui, j'ai déjà baisé toutes les poutres. Enfin, les ministres, je veux dire. Oui, ça va aller. Bon, oui. Mickaël, tu as entendu la presse. Ils ont dit que je n'avais plus la majorité à la Chambre des députés. Oui. Mais attends, ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais eu personne avec la majorité dans mon chambre. Hein. Bon, mais c'est vrai, Silvio, que vous n'avez pas bien géré la crise et les dettes quand même. Bah, tu sais, il est où le problème ? C'est que j'étais dans mon bureau en train de baiser une future ministre, oui. Enfin une mannequin, quoi. Et là, d'un coup, elle a tapé la jouissance avec sa main sur l'ordinateur et elle a foutu en l'air tout mon fichier SL avec des bouchées. Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui évidemment, c'est la bonne excuse, quoi. Ah non, mais sinon, il y a eu aussi un problème avec le trou de son cou. Hein. Ah oui, quand même. Alors, vous avez avoué que vous n'avez pas géré le trou de la sécu, quand même. Non, j'ai eu un problème avec le trou de son cou. Ma bite ne rentrait pas. Oui, c'est bon. Bon, Silvio, commencez pas, s'il vous plaît. On est le matin, c'est plus le soir, là, maintenant. Hein. Oui, pardon. Mais dites-moi, la petite Julie, là. Elle veut pas que je la fasse rentrer à Raraï ? Silvio, vous avez toujours le cœur sur la main. Hein. Ah, mais si je la fais rentrer là-bas, il faut qu'elle me laisse rentrer en elle. Hein. Ouais, non, mais ça va aller. On avait compris. Bon, Silvio, gâchez pas tout, là. J'ai dit que vous aviez le cœur sur la main, là. J'ai le col sous la main, mais faut qu'elle ait sa main sur ma... Oui, non, mais c'est bon, ça va aller. Bon, merci beaucoup Silvio d'être passé pour cette interview exclusive. Et puis, bah, vous allez faire quoi du coup après? Bah, je vais continuer de niquer. Hein. Ah bah oui, c'est ce que vous allez faire de mieux au final. Hein. Bah oui. Très bien, merci beaucoup Silvio. Arrivederci, hein. Ciao. Allez, ciao Silvio. Bon bah voilà, Silvio Berlusconi qui nous a donné quand même de 3 minutes de son temps qui est relativement précieux mais qui le sera de moins en moins puisque bon bah, forcément il aura de moins en moins de trucs à faire a priori. Oh, faut voir hein. Ouais, après il faut voir, c'est vrai effectivement. Elle aura en tout toujours cas, bien une ou deux mannequins, allez. Probablement. En tout cas, merci Silvio. Dans un instant, d'autres informations moins importantes certes que Silvio, ce sera avec Julie évidemment pour le flash. Bien, excuse-moi d'exister hein. Ouais. Bah non, mais bon, Silvio Berlusconi quand même, on a eu un direct là. Oui. On a eu un direct qui est bientôt à la RAI hein, maintenant. Qui est bientôt, oui. Exactement, non, qui sera bientôt sur la RAI. La RAI ou non. Bon, Ina qui arrive sur Fun Radio avec Juan Magan. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, ne bougez pas de là. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, jusqu'à 9h30 ce matin avec le rappel de la petite devinette qui colle dans quelques instants. Mais avant cela, 8h30, c'est l'actu avec Julie. Bonjour à tous. Le trafic ferroviaire est perturbé ce matin. Une quarantaine de trains ont déjà été supprimés. Les travailleurs des ateliers de la SNCB se croisent les bras pendant 24 heures. Ils protestent contre la restructuration des ateliers et la suppression annoncée de 250 à 750 postes. Le plan veut limiter les temps de pause pour augmenter la productivité. Les travailleurs risquent donc de devoir faire plus avec moins de personnel. Et pour être efficace, le rail wallon a besoin de 2 milliards d'euros selon une étude commandée par la région wallonne. Pour être vraiment efficace, il faudrait moderniser l'infrastructure et le matériel roulant. Augmenter le nombre de trains en multipliant le nombre de voies, relève notamment l'étude. Parmi les projets les plus dispendieux, l'étude cite le raccordement de l'aéroport de Gosselies, estimé à 600 millions d'euros. Le prix du diesel bat tous les records à la pompe. Le nouveau prix est passé à 1,511 euros le litre, soit une augmentation de 1,3 centimes d'euros. Et encore, le système du cliquet inversé a été automatiquement actionné. Le prix du diesel a grimpé de 22% en un an et doublé en 10 ans. Face à ces prix en constante augmentation, le Belge adapte doucement ses achats automobiles. Les voitures hybrides mi-essence, mi-électrique commencent à décoller avec 5000 ventes cette année. Mais le véhicule tout électrique ne séduit pas. 156 ont été immatriculés en 2011. Un homme a été tué par balle la nuit dernière dans un café à Liège. Peu après 1h du matin, l'homme de 26 ans est sorti du café le 24 et quelques instants plus tard, le patron et le second client ont entendu des coups de feu à l'extérieur. L'individu est rentré précipitamment, déjà blessé et suivi par un homme armé d'un pistolet qui a continué à tirer dans sa direction. La victime s'est écroulée, touchée au total par 8 balles. Le jeune homme est décédé sur place. Quant à l'auteur, il a pris la fuite et les deux témoins disent ne pas le reconnaître. En France, un homme de 25 ans en garde à vue depuis mardi soir dans le cadre de l'enquête sur la mort de la petite Océane a avoué être l'auteur du meurtre de la fillette de 8 ans. Il s'est présenté lui-même à la police demandant qu'on lui fasse des prélèvements ADN. Père d'un enfant sans activité professionnelle et sans antécédent judiciaire, il a d'abord expliqué qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait samedi soir car il était sous l'emprise d'alcool et peut-être de drogue. Et puis dans l'est de la Turquie, un séisme de magnitude 5,6 s'est produit hier soir provoquant l'effondrement d'un hôtel de 6 étages. Le bilan est de moins 5 morts. Il est 8h32 sur Fun Radio, c'est Ina qui arrive dans un instant avec Juan Magan, ça sera Un Momento. Et puis on va passer à la météo maintenant. On profitera d'une belle journée ensoleillée. Maxima très doux pour la saison de 13 à 17 degrés. Demain, il va faire toujours aussi beau. On attend juste quelques nuages sur la côte. Eh ben très bien, parfait, bonne nouvelle. Tiens, dans un instant, Kina, comme je vous l'avais dit. Et puis je vous rappelle la petite devinette qui colle maintenant pour repartir avec vos écrans plats, les packs Nintendo Wii, les tours iPod d'un mètre 20 de haut ou encore les cadres photo numériques XL, donc les grands grands écrans. Écoutez bien, volcanique, elle est violente, cutanée, elle nous couvre de boutons dans élémentaire, elle fait souffrir. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, je répète, volcanique, elle est violente, cutanée, elle nous couvre de boutons, dentaire, elle fait souffrir. Qui est-elle? Vous envoyez votre réponse au 6322, c'est 1€ le message et on vous appellera peut-être pour vous offrir un des cadeaux dont je viens de vous parler. Quelle est l'info en plus à 8h33? L'info en plus parle de lingerie suédoise. C'est pour toi, enfin, je sais bien que ça lui fait toujours plaisir. Mais toujours la lingerie suédoise. Et bien, enfin, c'est surtout les suédoises dedans qui me plaisent, mais enfin bon. Une marque de lingerie a formulé une demande un petit peu particulière à ses vendeuses. Celle d'afficher leur taille de soutien-gorge sur leur badge. Juste moi, je trouve ça bien, moi. Soyez fiers de vos seins, les filles. Non, c'est pas ça, mais. Tu sais, quand t'arrives dans un magasin de sous-vêtements pour ta copine, je sais pas, tu n'étais pas avec elle depuis si longtemps que ça, bah, tu sais pas forcément exactement quelle taille c'est. Et le problème avec les filles, c'est que si tu lui apportes quelque chose, c'est trop grand. Mieux oui, c'est parce toujours. Que tu préfères du plus grand, hein, c'est non. Pour ça, hein, sale con. Et quand t'appelles trop petit, eh ben dis donc, hein, tu vois pas ce que j'ai. De toute façon, tu te fais engueuler, donc au final. Oui, non, ça, mieux donc vaut lui achète pas toujours... de lingerie, prends-lui des trucs. Non, mais mieux vaut toujours prendre trop petit. Ah bon? Ça remonte après. Si tu lui achètes un truc et tout, que c'est un peu. Tu crois qu'elle fait comment, Julie, pour nous faire croire qu'elle a des seins? N'importe quoi. Bon, en tout cas, cette directive a été mise en place déjà il y a 3 ans. Donc, la société avait demandé à ses vendeuses de porter donc un badge avec leur taille de soutien-gorge jusqu'en dessous de leur nom. Mais maintenant, elles se rebellent, les vendeuses. Elles ont porté plainte parce qu'elles trouvent que c'est dégradant. Bah, par contre, la société, elle dit évidemment que c'est pour aider les clients. Bien sûr, mais c'est vrai. Pour un petit peu mieux les aiguiller quand elles voient une poitrine et qu'elles se rendent compte un peu de la taille, elles pourraient se rendre compte de ce qu'elles aussi ont besoin. Enfin, c'est surtout pour celles qui veulent faire une chirurgie, comme ça elles peuvent se dire quand je ferai cette taille-là, je ressemblerai à ça. C'est pas mal. 8h35 sur Fun Radio, bon réveil. Il y a quelques réponses qui viennent d'arriver, tiens, pour la devinette qui colle, une épine, non, c'est pas ça, la crise, ce n'est pas la bonne réponse non plus. On a souvent des épines cutanées. Mais oui, ou des crises cutanées, c'est vrai aussi. Une érection, hein. Ce n'est pas un abcès non plus, ce n'est pas une érection, ce n'est pas la rage non plus. Hein. Donc si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Voilà, je répète, volcanique, elle est violente, cutanée, elle nous couvre de boutons, dentaire, elle fait souffrir. Qui est-elle? Bonne chance tout le monde, vos messages au 6322 et on écoute Ina maintenant sur Fun Radio avec Juan Magan, c'est Un Momento, il est 8h35, bon réveil. 8h38 sur Fun Radio, dans un instant restez là, il y aura Rihanna qui va débarquer avec quoi au fait d'ailleurs? Je crois que j'ai dû faire une connerie, non? Si on l'a déjà mis Rihanna, donc c'est autre chose qui va débarquer dans un instant. On vient de le mettre Rihanna avec Calvin Harris. On va pas le remettre deux fois de suite, si vous voyez ce que je veux dire. 8h39, donc on va y arriver dans un instant. Ah, message qui vient d'arriver. Attention avant la sortie Warem Radar au kilomètre 65.5 sur la E40 en direction de Liège. Merci. Voilà, donc faites attention si vous êtes si vous avez prévu de passer par cette route-là, évidemment. Bon, nous avons Julien Derien qui est avec nous. Julien Derien, vous le savez, il officie tous les soirs dans la tribu avec Evan entre 17h et 20h. Et donc, c'est le grand journaliste qui est toujours, bien évidemment, au taquet de tout, toujours disponible, toujours prêt à être sur le terrain. Julien Derien, c'est tous les soirs avec Evan et c'est tous les matins sur Fun Radio. Selon une enquête faite en Belgique, le marché annuel lié à la mort est de plus en plus cher. Par exemple, un citoyen doit débourser en moyenne 6 000 euros pour une inhumation et 3 700 euros pour une incinération. J'ai demandé à Julien Derien d'aller faire un petit tour du côté du cimetière d'Ixelles pour enquêter. Julien, vous êtes là ? Oui, alors j'ai essayé d'interroger pas mal de monde, mais il n'y a pas grand monde qui parle. Hein. Enfin bon. Après avoir longuement enquêté au cimetière d'Ixelles, je peux vous dire qu'ici, on peut se bourrer la gueule pour pas trop cher. Julien, vous deviez enquêter sur la mort, pas sur l'alcool une fois de plus. Je vous taquine, Evan. Alors, je peux vous affirmer avec certitude que les gens sont cons, hein. Parce que qu'est-ce que tu vas foutre 6 000 euros pour un truc mort? Donc, faites comme moi, vous jetez le bordel dans le canal vers Anderlecht, et puis voilà. Non, mais Julien, vous savez comme moi que les gens, en fait, ils veulent le meilleur pour les gens qui sont morts, pour leurs proches, pour leurs défunts, quoi. Alors par contre, tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air et il a tendance à remonter vers la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule. Donc il y a un barème, hein, quand tu lestes un corps, c'est 3 fois son poids. Enfin après, pour les enfants ou pour les nains, ça change. C'est 2 fois son poids. Et pour une vieille dame ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux, tu sais. Oh, c'est horrible, Julien. Les gens, ils vont quand même pas jeter leur propre mère dans l'eau, par exemple. Ah, au pire, tu vas chez Brico, tu achètes 4 planches, si c'est pas la bonne taille, tu fais 2 trous et tu laisses dépasser les pieds. Julien, vous feriez vraiment ça si c'était question d'une personne de votre famille, par exemple? Non, je laisserais pas dépasser les pieds, moi j'enlèverais la rotule, comme ça je gagne 10 cm et il n'y a plus rien qui dépasse. Bon, super, je crois qu'on peut rien en faire de Julien Derien. Merci, hein, Julien. Hein. De rien. Eh oui, Julien de rien. Donc rencard ce soir à partir de 17h dans la tribu avec Evan. Avec Evan, avec Noémie, avec Monsieur Moon également cette semaine. Il est 8h41. Restez là dans un instant. C'est Jim Classy Rose qui arrive avec Adam Levine. Ce sera Stereo Earth sur Fun Radio. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 9h15 sur Fun Radio et faisons un tour du côté de l'infotrafic comme chaque heure à cette heure-ci. Que se passe-t-il sur les routes ? Accident sur le ring de Charleroi autour de Châtelet en direction de Gouy. Le passage est difficile, la circulation est fortement ralentie. Accident sur le ring de Courtrai à hauteur de Bisseghem en direction de Gulogem. Chaussée partiellement obstruée au kilomètre 0.2. Et puis accident sur le 313 Anvers en direction de Liège à hauteur de Hasselt. C'est au kilomètre 67.3. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, vous connaissez le principe, vous faites jouer la Fun Solidarité au 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message. Ou alors vous envoyez un petit mail sur Mickaël, mickaël@funradio.be ou encore Twitter et Facebook, vous nous rejoignez et vous tapez Mickaël officiel. La 8h46 maintenant, c'est parti pour la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio, les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou, justement, numéro à retenir par cœur évidemment. Le 0 473 86 00 13. Vous donnez ce numéro à tous les relous que vous croisez. Genre vous le retenez par cœur le numéro. Et donc quand il y a un relou, vous le voyez arriver le relou là, et bien vous discutez avec lui quelques secondes et vous lui dites écoute j'ai vraiment pas le temps, mais tiens voici mon numéro et rappelle-moi, je compte sur toi. Et donc il va vous lâcher la grappe parce qu'il sera perçu d'avoir fait la bonne affaire. On écoute maintenant les messages laissés sur la ligne anti-relou ce matin, écoutez. Oui Julie, tu m'as donné ton numéro des clics samedi, je sais pas, j'essaye à chaque fois de te joindre et j'arrive pas à t'avoir. C'est Vanessa. Je sais pas pourquoi tu m'as donné ce numéro puisque tu ne réponds pas. Appelle-moi s'il te plaît, merci. C'est vraiment nul, Julie. Pourquoi t'as pas donné ton vrai numéro? Je suis désolée, c'est pas moi en fait. Ouais, c'est ça, ouais, comme par hasard. C'est pas la première fois que tu essaies de nous la faire à l'envers. Bah, bien sûr. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Bonjour, c'était Romain. 2 heures, je t'attends. Alors déconne pas maintenant. Pète un câble, moi. Ok, d'accord. Il n'y a pas grand chose là. Je pense qu'il était un petit peu éméché, voilà. Monsieur. Hein. Il n'avait pas l'air. Il n'avait pas l'air totalement clean. Bon, et dernier message pour ce matin. Allô, ma chérie, où tu es? Je t'attends devant le cinéma. On s'est rencontrés hier soir et tu es. Voilà. Adorable. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien te sentir. Allez, s'il te plaît. Quelle horreur. Viens, retéléphone-moi. Eh oui, ça donne envie en plus de rappeler, c'est ça qui est bien. Bon, bah voilà, retour de la ligne anti-relou demain dès 6h évidemment. Et puis on nous signale aussi un accident sur la 12, Londorzel, direction Bruxelles. C'est la bande du milieu qui est bloquée. Merci à vous pour vos messages. C'est gentil, vous savez maintenant qu'il vaudrait mieux éviter ce quartier si jamais vous décidez de prendre la route et que vous auriez dû y passer. Bah prenez l'autre chemin pour bien faire. Dans un instant, on va encore faire chez le monde. On avait appelé à Charleroi et à Jambes tout à l'heure. Ça s'est plutôt mal passé, hein. On va encore remettre le couvert. Je ne sais pas dans quelle ville on va aller, mais on va y aller, c'est sûr. Et on écoute Jim Classy Rose maintenant et Adam Levine, c'est Stereo Earth. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. C'est Fun Radio et il est 8h52. Dans un instant, on passera le son de The Wanted avec Gladia Kane. Il y aura aussi Kerry Hilson avec Nelly, Loose Control. On aura l'horoscope tout à l'heure. On aura aussi le remboursement de vos factures. Je vous explique dans quelques instants comment ça va se passer. Et avant de faire encore une fois chier le monde, hein, on a pris l'habitude maintenant, hein, plus ou moins de l'horaire, nous allons vous rappeler la devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats, vos packs Nintendo Wii. On a également des tours iPod d'1m20 de haut ou encore les cadres photo numériques XL. Volcanique, elle est violente. Cutanée, elle nous couvre de boutons. Dentaire, elle fait souffrir. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, c'est une carie. Non, ce n'est pas la bonne réponse. La fièvre non plus n'est pas la bonne réponse. L'acné non plus n'est pas la bonne réponse. Une plaque, ce n'est pas non plus la bonne réponse. 6322, c'est un euro le message. Volcanique, elle est violente. Cutanée, elle nous couvre de boutons. Dentaire, elle fait souffrir. Bonne chance. Bon, alors, on va faire chez le monde. On avait appelé à Charleroi tout à l'heure. On avait appelé à Jambes également, là. Et puis, en gros, on va rappeler pour voir si les Belges pratiquent à 3, c'est ça, Tof? Ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu cette information, enfin cette histoire surréaliste d'un couple d'Américains qui se dit oh, on va mettre un peu de piment dans notre vie sexuelle, allez, on invite une fille pour un plan à 3. Mm-hmm. Sauf qu'en plein milieu du plan à 3, le mari, pris de jalousie, décide d'exploser sa télé sur la tête de sa femme. Ouais. Et toi, tu vas vérifier qu'en Belgique, évidemment, ça se passe bien. Bah, oui, parce que bon, je voudrais pas que, tu sais, on vive ce genre de drame en Belgique, on en a déjà évidemment. Assez comme ça. Donc... Évidemment, ce serait dommage. Voilà. Bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. Je suis pour la paix des ménages, en plus. Mais oui, mais, merci, mais évidemment, évidemment, évidemment. Bon, allez, c'est parti, on va appeler à Anderlu maintenant. Allez, un premier appel. Je dis premier parce que depuis tout à l'heure, on a dû en faire deux, trois à chaque fois. Allô ? Oui, allô, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous aviez déjà eu un rapport sexuel de groupe, au moins trois. Pas de faire foutre. Quelle sympathie. Quelle femme cordiale et gentille. Effectivement. Je suis heureux de l'avoir rencontrée. Ah oui, elle avait l'air sympathique. Bon, on va la rappeler, elle avait l'air tellement bien. Mais oui. Allez hop. Pas de faire foutre. Oui, excusez-moi. Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, j'étais en communication avec votre femme et je lui demandais si vous aviez déjà pratiqué des rapports sexuels à plusieurs. À plusieurs ? Bah oui, c'est-à-dire que sinon je ne vous appellerai pas. Ah bah voilà hein. C'est assez clair en fait. Hein. Mais il a été plus poli lui. Hein. Ça ne laisse pas vraiment place à la conversation. Alors que tu vois, sa compagne tout de suite c'était. Pas de faire foutre. Ah bah oui, forcément, alors évidemment. Hein. Bon, on va la rappeler encore une fois. Hein. Bah oui, ça a l'air d'être un couple tellement gentil. Mais oui, allez hop, on est reparti. Faire foutre. Oui, donc voilà, donc je vous demandais donc, si vous aviez déjà eu des rapports sexuels au moins à 3. Ah, on est en train de le faire. Ah, et ça se passe plutôt bien ? Ouais. Non, parce que je vous demande ça parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a eu un couple qui a pratiqué à 3 et le monsieur, fou de jalousie, a mis la tête de sa femme dans la télé. Alors je voulais être sûr que chez vous, ça se passait bien. Ouais, j'ai pas de télé dans la chambre. Ah bon, ben voilà, donc il n'y a pas de risque chez vous. Non, il n'y a pas de souci. Bon, ben écoutez... Je vais vous laisser parce que je suis occupé. Oui, bah je comprends. Je voudrais pas vous déranger plus longtemps, hein, monsieur. Eh ben voilà, tu vois, hein, les gens évidemment sont gentils. Hein. Quel homme sympathique. Exactement, mais oui, avec une femme tellement sympathique. Pas de faire foutre. Voilà. Bon, allez, en tout cas. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Il n'y a pas de problème, hein, nous aussi on était contents d'être là. Bon, et on est ensemble jusqu'à 9h30. L'émission n'est pas finie évidemment. The Wanted, ça arrive maintenant sur Fun Radio avec Glad You Came. Et puis l'info de Julie, ça arrive juste après. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. 8h59 sur Fun Radio, il y a Kerry Hilson qui va débarquer d'ici quelques instants avec Nelly et Loose Control. On va vous rembourser vos factures également, ça c'est dans 10 minutes tout pile. Si vous voulez vous faire rembourser vos factures pour la dernière fois ce matin, sachez qu'il n'y a qu'une seule solution, qu'une seule manière de faire, c'est de nous envoyer un petit message au 6322 par SMS. Vous débutez le message par facture, ensuite vous mettez le montant et ensuite vous mettez l'objet de la facture, tout simplement. Et si vous êtes tiré au sort, dans 10 minutes on appelle chez vous et si vous répondez correctement à la question, c'est-à-dire qui vous paye les factures le matin, vous répondez Fun Radio ou Mickaël et vous repartirez avec le remboursement intégral de votre facture. Donc bonne chance tout le monde, 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, je vous l'avais promis, Kerry Hilson avec Loose Control. Et l'info de Julie, c'est tout de suite à 9h pile. Bonjour à tous, le trafic ferroviaire est perturbé ce matin. Une quarantaine de trains ont déjà été supprimés. Les travailleurs des ateliers de la SNCB se croisent les bras pendant 24 heures. Ils protestent contre la restructuration des ateliers et la suppression annoncée de 250 à 750 postes. Le plan veut aussi limiter les temps de pause pour augmenter la productivité. Les travailleurs risquent donc de devoir faire plus avec moins de personnel. Et pour être efficace, le rail wallon a besoin de 2 milliards d'euros. Selon une étude commandée par la région wallonne, pour être vraiment efficace, il faudrait moderniser l'infrastructure et le matériel roulant. augmenter le nombre de trains en multipliant le nombre de voies, relève notamment l'étude. Parmi les projets les plus dispendieux, l'étude cite le raccordement de l'aéroport de Gosselies, estimé à 600 millions d'euros. Le prix du diesel bat des records à la pompe. Le nouveau prix est passé à 1,511 euros le litre, soit une augmentation de 1,3 centimes d'euros. Et encore, le système du cliquet inversé a été automatiquement actionné. Le prix du diesel a grimpé de 22% en un an et doublé en 10 ans. Face à ces prix en constante augmentation, le Belge adapte doucement ses achats automobiles. Les voitures hybrides mi-essence, mi-électrique commencent à décoller avec 5000 ventes cette année. Mais le véhicule tout électrique ne séduit pas. À peine 156 ont été immatriculés en 2011. Un homme a été tué par balle la nuit dernière dans un café à Liège. Peu après 1h du matin, l'homme de 26 ans est sorti du café le 24 et quelques instants plus tard, le patron et le second client ont entendu des coups de feu à l'extérieur. L'individu est rentré précipitamment, déjà blessé et suivi par un homme armé d'un pistolet qui a continué à tirer dans sa direction. La victime s'est alors écroulée, touchée au total par 8 balles. Le jeune homme est décédé sur place. Quant à l'auteur, il a pris la fuite et les deux témoins disent ne pas le reconnaître. En France, un homme de 25 ans en garde à vue depuis mardi soir dans le cadre de l'enquête sur la mort de la petite Océane a avoué être l'auteur du meurtre de la petite fille de 8 ans. Il s'est présenté lui-même à la police demandant qu'on lui fasse des prélèvements ADN. Père d'un enfant, sans activité professionnelle et sans antécédent judiciaire, il a d'abord expliqué qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait samedi soir, car il était sous l'emprise d'alcool et peut-être de drogue. Et puis dans l'est de la Turquie, un séisme de magnitude 5,6 s'est produit mercredi soir, provoquant l'effondrement d'un hôtel de 6 étages. Le bilan est d'au moins 5 morts. Et il est 9h03 sur Fun Radio. Dans quelques instants, je vous explique à nouveau comment faire pour vous faire rembourser vos factures. On écoutera Kerylson aussi avec Nelly. Et on passe à la météo maintenant. C'est une belle journée ensoleillée pour aujourd'hui. Maxima très doux pour la saison de 13 à 17 degrés. Demain, il va faire toujours aussi beau. Seuls quelques nuages sont attendus sur la côte. Très bien. Bon, bah voilà, bah, comme ça, bonne nouvelle côté météo. Pour vous faire rembourser vos factures, je vous ai dit, je vous l'explique maintenant. 6322, vous envoyez un petit SMS. C'est la dernière chance pour vous aujourd'hui de repartir avec le remboursement de vos factures. 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on appelle chez vous dans 5 minutes. Fun Radio. Fun Radio. 9h04 sur Fun Radio, quelle est l'info en plus? Alors je ne sais pas si tu aimes le naturisme. Non, pas des masses, le non. Le nudisme, ce non, c'est pas trop... Mais si j'adore courir nu dans les bois. Ouais, mais toi, écoute, ça m'étonne pas. Mais oui. Et bien, c'est avec pour les toi. Fougères qui me titillent les fesses. C'est bon, on a compris. Et cette info est pour toi alors, Top, parce que Lonely Planet, donc la collection de guides touristiques, dévoile cette fois les meilleures destinations mondiales pour le nudisme. Et bien alors, si tu veux par contre pédaler, rouler à vélo avec plein de gens tout nus autour de moi, toi... Je suis pas de ce bord-là. Il existe le World Ride Bike Naked. Yeah, World Ride Bike Naked. Un événement célébré aux quatre coins du monde, Australie, Brésil, Danemark, etc. Donc le Lonely Planet t'indique. C'est un peu comme le Tour de France, mais version à poil. Exactement. Ah ouais, sympa. Alors si tu veux te rendre dans l'un des plus grands parcs d'Europe qui permet le nudisme, donc où tu parades au cœur de la ville sans chemise, sans pantalon, c'est en Allemagne que ça se passe, à Munich. Alors si tu veux te rendre au Festival mondial de la peinture sur corps, ça se passe en Autriche. 30 000 personnes quand même chaque année, 30 000 visiteurs. Alors évidemment, le Cap d'Agde en France, plus connu. La seule plage aux États-Unis qui permet aux gens de se promener tout nu, elle se trouve en Floride, à Miami. Et alors, si tu veux carrément... si tu veux carrément te faire une croisière avec des gens tout nus, eh bien c'est en Croatie que ça se passe. Très bien. Bon, eh ben écoute, bonne nouvelle alors hein, pour tous ceux qui aiment le naturisme en tout cas. 9h05 sur Fun, dans un instant, le remboursement de vos factures, la réponse à la devinette qui colle et l'horoscope de Doudou. Le temps d'écouter Kerylson avec Nelly maintenant, c'est Lose Control sur Fun Radio. Bon réveil avec nous si jamais vous sortez du lit. Bah, mieux vaut tard que jamais quand même, hein, bande de paillasses. C'était Kerylson sur Fun Radio, 9h09 et le remboursement des factures, c'est de suite. Fun Radio paye vos factures. Exact, tous les matins sur Fun Radio, c'est comme ça que ça se passe. Et surtout, dernière chance maintenant de vous faire rembourser cash vos factures. Pour ce faire, il fallait envoyer un petit message au 6322 par SMS, 1€ le message. C'est le code facture qu'il fallait mettre en début de message. Ensuite, le montant et ensuite, ensuite tout simplement, l'objet de la facture. Et on appelle maintenant pour rembourser un abonnement. Vous, a priori 44 euros. 44 euros, ça va. Allô. La connaît pire. Allô. Allô. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Qui paye les factures le matin? C'est Mickaël sur Fun Radio. Eh ben voilà, comment tu t'appelles? Oh non, c'est trop fort. Ah bah t'as vu, hein, comment tu t'appelles? Anaïs, tu es dans quelle région, Anaïs? J'habite la région de Verpine, mais je travaille sur Charleroi. D'accord, ok, bah c'est pas grave, tu sais, il y a des gens bien aussi là-bas, il n'y a pas de problème. 103.5 pour écouter Fun Radio à Charleroi. Bon alors, dis donc, tu veux faire un petit remboursement de 44 euros pour vous, c'est ça? Oui, c'est ça, bah, malheureusement, c'est ça. Bah ouais, bah on va te les rembourser, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Merci, c'est super sympa. Mais il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Eh bah, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Et puis reste à vous standard. Aussi, gros bisous. Ciao, on va t'expliquer comment faire, d'accord? Ok, merci beaucoup. A tout de suite. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Tiens, si vous aussi vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, sachez que vous pouvez vous inscrire pour lundi, bien sûr, dès maintenant, si vous le souhaitez. 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Sachez également que dès lundi, il y aura du très très lourd, même dès dimanche soir, avec la libre antenne de Vince, puisqu'il y aura des iPhone 4S et des iPad 2 à gagner avec le Mad Mix, qui sera de retour sur Fun Radio. C'est donc trois extraits, trois titres de chansons à découvrir dans un extrait, deux titres dance floor et un titre improbable. Comme ça, vous le savez, on avait joué à ça il y a 3 semaines. Donc on remet le couvert dès dimanche soir, dès 20h, avec Vince dans la libre antenne. Comme ça, vous savez tout. Il y a l'horoscope de Doudou qui arrive dans un instant. J'aurai des places à vous filer aussi pour le Starfloor et DJ Joss qu'on écoute maintenant avec I Want You sur Fun Radio. Bon réveil. Sur Fun Radio à 9h14, il y a Mika qui va débarquer dans un instant avec Elle Me Dit. Et puis nous allons prendre qui est avec nous maintenant pour jouer. Comment il s'appelle? 37 ans de tournée. Comment il s'appelle? Christelle. Christelle, 37 ans de tournée. Salut Christelle. Bonjour. Comment ça va, Christelle? C'est super, franchement, je suis contente de vous entendre. Eh bah écoute, nous aussi, Christelle, on est content de t'entendre. Hein. C'est ça, ouais. nous aussi, Christelle. Bon, Christelle, tu fais quoi dans la vie? Je sais pas si ça va vous plaire, mais je suis inspecteur de police. Saloperie, écarte-toi. Ça va vous plaire, c'est que tu peux faire sauter les PV. Bah non, ouais. Elle est surtournée, ça nous intéresse beaucoup. Alors, moins, si, pas, sauf non, si on est surtournée, évidemment. Mais est-ce que tu peux venir me mettre les menottes? Ouais, c'est ça, oui. Tof, ça m'intéresserait beaucoup que tu viennes lui mettre les menottes. Oui, essentiellement, oui, ça peut se faire. Ah, bah voilà, c'est possible, Tof. Mais par contre, il faut vraiment le laisser attacher, hein, pour le coup. Hein. Bon, alors, Christelle, tu as la réponse à la devinette qui colle. Volcanique, elle est violente, cutanée, elle nous couvre de boutons, dentaire, elle fait souffrir. Qui est-elle? C'est une éruption. Eh oui, une éruption volcanique, une éruption cutanée, etc., etc. Eh ben bravo à toi, tu vas repartir avec les cadeaux, tu choisis quoi? Comme j'ai déjà deux enfants, je suis enceinte de troisième bébé, choisi Noé. D'accord, eh ben il n'y a pas de problème, hein. Aucun souci, on va t'envoyer ça. Merci à vous, je suis vraiment contente que vous m'ayez appelé. Hein. Mais écoute, c'est le fruit du hasard, Christelle. Je te fais des gros bisous en tout cas, passe un bon week-end. Oui, moi aussi, je vous fais des gros bisous. Bon week-end, salut, ciao à toi, bye bye. Bon, eh ben voilà, bonne chose de faite. On remettra le couvert dès lundi, évidemment, avec de nouvelles énigmes et de nouveaux cadeaux. Et en attendant, maintenant, à 9h16, c'est l'heure de l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Dodo? Oui? Non, je voulais être sûr que vous n'aviez pas une nouvelle horreur à raconter. Mais moi, je dis pas des horreurs, enfin, c'est vous qui prenez tout mal. Ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être bah ça. Bah oui, vous avez l'esprit tellement mal tourné que vous dites après que c'est moi qui dis des choses. On aura tout entendu, tiens. Bon, allez, passons à l'horoscope maintenant, là. On peut pas parler avec vous, de toute façon. Les béliers. Suivez votre intuition et forgez des projets professionnels. Les taureaux. Sur le plan professionnel, cette journée ne peut être meilleure. Tout est au beau fixe. Oh, c'est beau. Les gémeaux. Vous vivez une période plus agité que d'ordinaire, mais en prenant les mesures nécessaires, vous arriverez à venir à bout de tout. Les cancers. Franchement, est-ce que vous avez déjà reçu quelque chose sans faire des efforts dans votre vie? Bah non. Et voilà, alors tu vas te mettre au travail. Oh là là. Voilà. Les lions. Aujourd'hui, c'est votre dernière chance de mettre de l'ordre dans votre relation. Les vierges. Une nouvelle inattendue va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Les balances. Vous surmontez les tensions si vous n'y participez pas. Les scorpions. Tout va bien aujourd'hui et vous êtes satisfait. Les sagittaires. Attention, vous courez le risque de vous surmener. Avant le week-end, ce serait dommage. Ouais, ce serait con, effectivement, oui. Les capricornes. Vous pouvez prendre plus de risques. Hein? Tout va vous réussir aujourd'hui. Ah bah voilà, les verseaux. Prenez au sérieux les conseils qu'on vous donne. Et surtout, mettez-les en application. Et enfin, les poissons pour terminer. Attention, quelqu'un pourrait essayer de vous duper. Mais vous déjouerez le piège grâce à votre attention. Merci Doudou, on vous retrouve demain? Bah oui, à demain. Bah très bien, merci beaucoup. 9h17 sur Fun. On va s'écouter comme promis le son de Mika maintenant, Elle Me Dit. Et j'ai des places pour le Starfloor à vous offrir. L'événement Dancefloor de la fin de l'année, ça se passera à Paris-Bercy. On vous enverra peut-être tout frais payé. 6322, code Star maintenant. Elle Me Dit. 9h21 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Lucas qui va débarquer pour la suite de la matinée, évidemment, avec le self. Vous choisirez vos disques avec lui, comme d'habitude, comme chaque matinée jusqu'à 13h, en envoyant un petit message au 3044, en débutant votre message par self, avec le titre que vous voulez choisir derrière, ou alors gratuitement sur son mail, c'est lucas@funradio.be. Mais avant cela, eh bien, l'interview exclusive de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi qui, vous le savez, a démissionné, enfin va démissionner. Et donc on a dû l'interviewer, hein, pour tout vous dire, on a dû faire ça évidemment tout à l'heure. C'était il y a un peu moins d'une heure, hein, Silvio Berlusconi, l'interview. Bonjour Silvio. Pronto, appelle-moi Silvio, on est familier maintenant que tu es venu, ma petite partie de jambes en l'air. C'est bon. Dites-nous, vous avez été contraint de démissionner à cause de votre mauvaise gestion de la crise? Bah, ça, sous la version officielle. En vrai, je me suis rendu compte que d'être au gouvernement, c'était plus drôle. Bah oui, j'ai déjà baisé toutes les poutres. Enfin, les ministres, je veux dire. Oui, ça va aller. Bon, oui. Et Michael, tu as entendu la presse? Ils ont dit que je n'avais plus la majorité à la Chambre des députés. Oui. Mais attends, ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais eu personne avec la majorité dans mon chambre. Hein. Bon, mais c'est vrai, Silvio, que vous n'avez pas bien géré la crise et les dettes quand même. Bah, tu sais, il est où le problème? C'est que j'étais dans mon bureau en train de baiser une future ministre. Oui. Enfin, une mannequin, quoi. Et là, d'un coup, elle a tapé la jouissance avec sa main sur l'ordinateur et elle a foutu en l'air tout mon fichier SEL avec des bouchées. Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui, évidemment. C'est la bonne excuse, quoi. Ah non, mais sinon, il y a eu aussi un problème avec le trou de son cou. Hein. Ah oui, quand même. Alors, vous avez avoué que vous n'avez pas géré le trou de la sécu, quand même. Non, j'ai eu un problème avec le trou de son cou. Ma bille ne rentrait pas. Oui, c'est bon. Bon, Silvio, commencez pas, s'il vous plaît. On est le matin, c'est plus le soir, là, maintenant. Hein. Oui, pardon. Mais dites-moi, la petite Julie, là. Elle veut pas que je la fasse rentrer à Rarai? Ah, non, Silvio, vous avez toujours le cœur sur la main, hein. Ah, mais si je la fais rentrer là-bas, il faut qu'elle me laisse rentrer en elle. Ouais, non, mais ça va aller. On avait compris. Bon, Silvio, gâchez pas tout, là. J'ai dit que vous aviez le cœur sur la main, là. Bah, j'ai le cœur sous la main, mais il faut qu'elle ait sa main sur ma... Oui, non, mais c'est bon, ça va aller. Bon, merci beaucoup, Silvio, d'être passé pour cette interview exclusive. Et puis, et vous allez faire quoi, du coup, après? Bah, je vais continuer de niquer, hein. Ah bah oui, c'est ce que vous allez faire de mieux au final, hein. Bah oui. Très bien. Merci beaucoup, Silvio. Arrivederci, hein. Ciao. Allez, ciao, Silvio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Voilà, 9h24, on va se quitter maintenant. On va juste prendre un auditeur maintenant pour lui offrir ses places pour le Starfloor, l'événement qui va tout déchirer. Ça se passera à Paris, Bercy, c'est le 26 novembre avec plein de stars, notamment Florida. Il y aura également Antoine Clamaran, il y aura également Jason Derulo avec qui vous allez peut-être pouvoir rencontrer grâce à Fun, hein, si vous gagnez justement. Il y aura Ina, il y aura Tayo Cruz, Colonel Rayel, Lucenzo, Alexandra Stan, bref, plein de monde. Et nous avons qui avec nous pour jouer? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Antonina. Antonina. Très bien, Antonina. Tu as quel âge? Dans quelle ville? Alors, j'ai 25 ans et je suis de Morlanway. Très bien. Eh bien, Antonina, tu vas repartir avec tes deux places pour aller à l'événement Dancefloor de l'année, le 26 novembre à Paris-Bercy, avec tous les artistes dont j'ai parlé. Et sois bien à l'écoute de Fun Radio lundi matin entre 6h et 9h30, puisqu'on va peut-être t'échanger tes deux places basiques contre deux places pour rencontrer Jason Derulo dans sa loge, tranquille, pépère. Tu vas pouvoir manger et tout, discuter avec lui ou plus, on ne sait jamais. Donc voilà, Antonina. Ah, merci, c'est vraiment gentil. Merci. Mais il n'y a pas de problème. Je te fais plein de bisous, Antonina, et passe un bon week-end. Merci également. Salut, ciao à toi, bye bye. Bon, bah voilà, bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'elle a prévu, Julie, ce week-end? Eh bien, écoute, ce week-end, je vais au rallye du Congro. Ah, d'accord. Bah, quoi, avoir des bagnoles, tout ça. Mais non, c'est ça. En fait, le problème avec Julie, c'est qu'elle est un peu routière, quoi. Donc, vous voyez pourquoi on voulait. Elle n'est pas féminine le matin, ça le problème. Eh, je vais voir des gros routiers, moi, le matin. Bah, non, pas du tout. Attends, les beaux pilotes de rallye. Mais oui, les beaux pilotes. Mais oui, tu vas tromper Chouchou sur une banquette arrière. Non, c'est Chouchou, viens avec moi. Ah, bah, d'accord, ok. C'est Chouchou qui va sur la banquette arrière. C'est ça. Bon, et puis loupez pas également. Loupez pas tout à l'heure, c'est Evan qui sera là avec toute la tribu, évidemment, à partir de 17h sur Fun Radio. Et puis il sera ce soir également à l'Edel, à Boncel, pour une soirée d'Evan et la tribu, tout simplement, à l'Edel avec toute l'équipe de la tribu ce soir à l'Edel à Boncel. Donc soyez nombreux, évidemment. Et puis bah, nous, on se retrouve peut-être demain soir, hein, avec Toff, entre autres, au Top of the Night Cheese. Oh, voilà, yeah, ça se passera à Liège. Sur le dance floor. Mais yeah, come on, évidemment. Oui, on va là-bas parce que Toff est fan des 17. Alors, bah, évidemment. Voilà, donc on y va pour voir, quoi. C'est juste ça. Pour toucher leur corps, mais bien sûr. Bon, passez une bonne journée, en tout cas. Passez un excellent week-end sous le soleil. Profitez-en bien. On se retrouve demain en mode replay pour l'émission, tout simplement. Et puis lundi en direct à partir de 6h du mat. Ciao tout le monde. Il vous manque déjà ? Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.